En effet, on va pas vous mentir, pour certains vous le savez, d'autres vous l'avez découvert pendant le festival. Franck et moi on se connaît depuis un bout de temps maintenant, à peu près 60-65 ans, quelque chose comme ça, minimum, ça se voit surtout sur lui. Mais voilà, ça fait vraiment un bout de temps et c'est vrai que c'est, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ta carrière était vraiment quelque chose de touchant. Là, c'est très émouvant et je suis ravi de me retrouver à ses côtés, surtout au FICAM, qui est un festival où, en effet, encore une fois, le directeur artistique me fait confiance depuis des années. Donc voilà, on ne va pas s'étendre non plus en ça, mais voilà, je suis assez ravi évidemment d'être, de pouvoir faire cette rencontre ici aujourd'hui. On va commencer directement. La rencontre va se faire en trois parties. La première partie, c'est moi versus Franck. Je vais lui montrer des choses, je vais essayer de le faire parler, je vais voir, là en plus on va faire directement en français, on va pas traduire en anglais, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, en deuxième partie, Franck va nous montrer comment il travaille sur différents projets, voilà sa manière. Et troisième partie, bien évidemment, on vous laissera, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de questions, on vous laissera répondre, on le laissera répondre s'il en a envie, aux questions que vous avez posées. On a commencé avec de la musique, c'est toujours bien, Dominica, parce que je sais que Franck aime bien. La musique de Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Ryuichi Sakamoto, par Nagisa Oshima, le film. Et là, on est bien sûr, et on parlera tout à l'heure du travail de Pierre Caillet, bien sûr, sur le travail, c'est bien sûr, vous avez reconnu, j'espère, la musique d'Edmond était un âne, mais on va commencer avec quelque chose d'autre. Est-ce que je me trompe? On commence avec une bande-annonce de film en prise de vue continue, comme on dit. Est-ce que je me trompe, Franck, si je dis qu'en fait tout débute avec du cinéma? Je sais que Shining, je triche hein, évidemment, je sais que Shining, c'est là, lors d'une interview pour, je crois, les semaines d'animation, en tout cas pendant les semaines d'animation, pendant le regard du cours sur Saguenay, tu donnes une interview sur la Minute Cinéma. Ouais, au Canada. Et tu ouais. parles de ce film ouais. comme l'un des premiers chocs artistiques ou. Même En fait, la question portait sur un souvenir de cinéma. Et ça m'a complètement pris au dépourvu parce que je m'attendais pas à cette question. Et il y avait une minute à tourner la télévision locale. Et d'un seul coup, il m'est revenu tout de suite en mémoire, effectivement, qu'est-ce qui, moi, m'a profondément marqué au cinéma, où j'ai eu la chance de beaucoup aller lorsque j'étais enfant et adolescent. Et je me souviendrai toujours que mon père m'avait emmené dans un cinéma d'art et d'essai. On a la chance à Paris d'avoir beaucoup, beaucoup de petites salles où on peut voir des films rares. Et Shining était sorti 2 ans auparavant, ou 1 an auparavant. Et mon père m'a emmené, j'avais 12 ans, voir Shining en version originale dans un petit cinéma d'art et d'essai, et je me souviendrai toujours de cet instant parce que j'étais tiraillé entre l'envie de partir en courant, mais pendant toute la séance tellement j'avais peur, et j'étais fasciné par la force de ce film. Donc voilà, ça reste un souvenir, et encore maintenant lorsque je vois la bande-annonce, j'ai toujours peur, enfin, ça me, c'est un film qui vraiment me procure des sentiments très très intenses. Donc voilà, c'est un grand souvenir de cinéma. Est-ce que le cinéma, on en parlait, est-ce que c'est l'un des premiers arts qui est rentré dans ta vie, en tout cas dans une réflexion, tu te dis, ah, là il y a quelque chose qui peut peut-être m'intéresser, ou non, est-ce que le dessin est venu avant, le théâtre, ou c'est quoi qui... Non, c'est vraiment le cinéma, parce que j'avais des parents qui, bien que très ouverts sur la possibilité, pour moi, ils m'ont toujours laissé dessiner. Mais paradoxalement, il n'y avait que le cinéma. Il n'y avait pas de livres à la maison. Ah si, il y avait la bande dessinée. On m'achetait beaucoup de bandes dessinées. Donc ça, c'était... voilà, s'il y a eu beaucoup... j'ai oublié la bande dessinée. Mais sinon, c'est vraiment bien avant le théâtre, bien avant la peinture, bien avant... il y avait un peu de musique. Oui, si, il y avait de la musique. Mais ça a vraiment été le cinéma qui a été déterminant dans la formation de mes goûts, on va dire. Le côté populaire, d'un art populaire comme le cinéma, ah oui, oui. Ah oui, enfin, à mon sens, oui. Bon, après, lorsque j'ai découvert des films plus confidentiels, plus compliqués, comme on dit, ça m'a renforcé dans l'idée que le cinéma est vraiment un endroit fascinant de créativité. Mais c'est vrai qu'avant toute chose, et puis encore aujourd'hui, mes goûts vont essentiellement vers ce que j'appelle des films populaires de qualité. Voilà. J'aime l'idée de démocratiser des idées, j'aime l'idée que l'art se démocratise, et pour moi le cinéma est un vecteur formidable pour ça. Il y a aussi quelque chose d'important, alors je t'avais dit que je ne te ferais pas d'interview, mais quand même quelques images. Alors ça c'est la rétrospective qui était sortie. Ah oui, t'as pas pu t'empêcher. Voilà, je peux quand même pas m'empêcher de parler de Claude Sauté. Bien sûr. J'ai dit pas d'interview, mais en tout cas voilà. Sur image. Claude Sauté, je ne pouvais pas m'en empêcher, je sais que c'est un auteur que tu aimes beaucoup, on a souvent parlé. C'est quoi quand on découvre le plaisir du cinéma, Shiny, enfin voilà, des angoisses, des peurs qu'on peut avoir dans une salle de cinéma, des films, on va dire, avec des genres très particuliers, même si après je suppose évidemment Kubrick revient là sous sa forme de réalisateur, en plus qui est intéressant par rapport à toi dans la construction d'une image, et on en reviendra sur l'illustration. Là par rapport à Sauté, c'est quoi? C'est de relations humaines, on se rend compte que le cinéma peut traduire ça d'une manière particulière. Oui, c'est vraiment, pour moi, Sauté, c'est la comédie humaine. Pour moi, Sauté, il parlait d'une époque, il était pleinement dans son époque et pleinement dans les relations humaines. Et instinctivement, quand j'étais gamin, je regardais ça à la télévision, parce que ça passait beaucoup à la télévision. Moi, j'ai commencé à voir des films de Sauté au cinéma bien plus tard, lors de rétrospectives. Mais pour moi, Sauté, d'abord, c'est avant toute chose, alors vraiment la quintessence du cinéma populaire qu'on voit à la télévision, on les voit même, César et Rosalie, on le voyait tous les ans à un moment donné, enfin bon. Et puis très vite, quand j'ai grandi, j'ai eu un regard toujours attendri, bien évidemment, sur son cinéma. Mais il y a un autre regard qui est venu s'installer, c'est que je me suis intéressé à ses scénarios, à ses personnages. Pourquoi est-ce que finalement c'était aussi évident pour lui, enfin ça paraissait aussi évident de raconter des histoires qui coulaient, qui... Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci dans les films de Sauté. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien pensé. Et en fait, c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Et d'ailleurs, avant même d'être... ça, c'est une anecdote que j'aime bien, mais avant même d'être réalisateur, c'était un script doctor. Ça veut dire que c'était quelqu'un qu'on appelait quand on avait un problème de scénario. C'est-à-dire, un script doctor, c'est le docteur du scénario. C'est quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire, cet endroit-là, ça va pas, si tu changes ça, machin. Et Jean Gabin, l'acteur, l'appelait souvent, et il avait cette formule géniale, et il lui disait, Claude, j'ai un bon scénario, mais il manque le dessert. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est vraiment une manière de voilà, ça explique tout. Et Sauté, je l'aime aussi pour ça, pour cette maniaquerie absolue du scénario. Et ça se voit. Et en même temps, ça ne se voit pas. D'où la magie invisible, le concept dont il parlait dans une interview, peu de temps avant sa mort, d'ailleurs. Est-ce qu'Edmond est Tétanal est presque le film qui est plus proche de l'univers de Claude Sauté dans la manière d'écrire? Oh non, pas du tout. Non. Enfin, moi, je ne m'assimile pas du tout à lui. En revanche, c'est quelqu'un, je crois, qui m'a vraiment ouvert, et ça fait partie, je ne suis pas le seul, hein, mais des gens que j'admire et qui me font poser des questions sur les articulations du scénario et sur l'intérêt pour le scénario, vraiment. Qui est grandissant avec en vieillissant, c'est un intérêt grandissant chez moi. Et je disais ça parce que si d'un seul coup, alors que Monsieur Cox est presque deux personnes, même si un moment donné amoureux, on va dire dans le film, hein, qui est là, l'inventaire fantôme, c'est vraiment deux personnes. Et là, il y a une personne face à toute une société. On a l'impression que l'inventaire et Monsieur Cox sont certes dans leur société, mais un côté presque plus intemporel, et qu'Edmond Tétanal a un côté qui est presque plus proche de la société d'aujourd'hui. Il est plus situé, oui. Il se situe. Et en ce sens, il est moins fantastique, ça c'est sûr. C'est évident. Mais c'est peut-être c'est peut-être des choses qui m'intéressent plus aujourd'hui qu'avant. Ça veut dire que de plein pied, j'aime beaucoup le fantastique, la science-fiction, mais ce sont, à partir du moment où ça raconte bien évidemment quelque chose en arrière-plan, sinon je n'en vois pas l'intérêt. Mais c'est vrai que peut-être que ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est de me recentrer sur un peu moins de fantastique, je ne sais pas. Alors, hop, je vais essayer. 6, 10, 6, 56. Alors, est-ce que. J'y arrive, hein, vous inquiétez pas. J'ai plusieurs scénarios. Il y en a d'autres beaucoup plus lumineux, de se dire qu'il n'y a pas un avenir possible. Puis si on se situe au 22e siècle, il n'y aura pas eu une transformation. Il y aura eu des couches et des couches de transformation, de même que Paris aujourd'hui. Ça arrive après, juste après l'extrait que je vais vous montrer. De les histoires. Alors, François Skeppel, quand vous dessinez le Paris de demain, comme vous le faites pour Bruxelles, comme vous le faites pour toutes les grandes villes du monde, cette fascination de l'urbanisme, de l'architecture, votre souci c'est quoi? C'est d'imaginer une ville où on serait heureux, où les gens puissent être plus heureux encore? Pas seulement. Parce que d'abord, je ne suis pas capable de savoir ce qui rendrait vraiment tout à fait heureux. Je veux surtout faire ce que ça me fascine, que ça me donne du plaisir, que j'y trouve des histoires à raconter. Un univers graphique se doit d'abord d'être cohérent. Il faut qu'il soit crédible. Il faut surtout avoir envie de demain. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un peu. Ce désir de se projeter dans l'avenir. Et donc, il faut que la ville ait ce goût-là. Il faut qu'on soit comme cap. Scutaire, et quand j'ai entendu cette interview, j'avais l'impression, je vais dire que ça aurait pu être Témo, mais en tout cas qu'il y avait quelque chose de très très proche dans ce qu'il dit, dans son univers, avec la ville aussi importante, l'architecture aussi importante, et ton dessin finalement, ton idée de l'illustration. Scutaire et Peter, le scénariste avec qui il travaille, ce sont des auteurs qui m'ont très très fortement influencé. Je suis extrêmement admiratif de leur travail, mais depuis je les connais, hein, depuis l'adolescence. Le trait, l'univers de Skuiten fait office, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais a toujours fait office de référence très forte chez moi. Quand je vois un dessin, une illustration de Skuiten, c'est une mélodie pour moi, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est comme Bilal, enfin, c'est des gens qui suscitent chez moi graphiquement un engouement profond, vraiment. T'es autodidacte ? Oui. Du travail. Ça, par exemple. C'est grave, docteur. Non, justement, c'est. Mais comment on fait, justement, pour atteindre cette précision dans le dessin? C'est-à-dire que ça, on regarde des dessins de sculpteurs, on regarde des gens comme ça, on regarde comment ils ont fait, copie beaucoup au début? Non, alors c'est très bizarre, moi je ne copie pas du tout, même quand j'apprenais, on l'apprend toujours, hein. Je ne copie pas, je m'inspire. Je ne sais pas copier. Et puis ça m'emmerde de copier. En revanche, voilà, tu montres une image là, tout de suite. Il y a encore ce truc de me dire, tiens, il y a un truc qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaît? C'est pas ce qui me plaît, c'est le climat qui se dégage de l'image. Donc je vais essayer de recréer ce climat qui m'a plu. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que Skuiten m'a énormément influencé. Mais j'ai jamais été dans la copie, vraiment. Skuiten dit un univers crédible. Est-ce qu'il y a cette envie-là aussi, un univers qui raconte? On en parlait hier au cinéma caméra et réalisateur d'ici qui disait aussi, c'est d'un seul coup, il y a un dessin, on crée un dessin, et là on se dit, ok, là ce dessin m'appelle, ce dessin-là, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie, tu dessines, mais il y en a peut-être un qui va d'un seul coup t'accrocher, dire, là il y a une histoire que j'ai peut-être envie de raconter, c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui, pour moi c'est toujours le déclencheur, effectivement, en ce sens, je suis plus interactif qu'intellectuel, à savoir, même s'il y a des tas de thématiques qui m'intéressent et me passionne, mais c'est vrai que force est de constater que chacun de mes trois films ont été inspirés par un personnage. C'est surtout le personnage qui est au centre de l'inspiration. Le personnage, c'est-à-dire vraiment, mais ça peut être une toute petite chose, ou déjà il est déjà très présent dans sa forme quasiment finale. Je crois que ça vient de l'idée du théâtre où quand j'étais comédien, il y avait bien sûr, on travaille avec le matériau du personnage. Donc c'est quelque chose, on fait un croquis, et puis après on commence à faire un crayonné, puis ensuite on passe à l'encre. Enfin, c'est vraiment la construction du personnage dans le métier de comédien, c'est quelque chose de central. Hein, et quand je dessine un personnage, j'ai toujours besoin, comme les enfants, j'ai toujours besoin de raconter une histoire. Sinon je m'ennuie, ça m'intéresse pas de faire du dessin automatique. Et il faut toujours que je raconte une histoire, et donc en ce sens je fais, comment vous dire, un peu le même parcours que lorsque j'étais comédien et qu'il fallait que j'apprenne un personnage, que je me l'approprie et que je l'interprète. Parce qu'il faut savoir que les comédiens interprètent aussi, ils sont des créateurs les comédiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois. Un comédien est un créateur qui va s'approprier le matériau de l'auteur pour le raffiner et pour en faire quelque chose, pour en faire autre chose. Voilà. Et moi, quand je suis dans l'illustration, quand je dessine un personnage, j'ai besoin de cet aspect intellectuel, mais aussi j'ai besoin de la dramaturgie du personnage. Donc ça veut dire que aucun film n'est parti d'un décor, c'est non. Plutôt du personnage. Jamais, oui, parce que les décors sont très poussés chez toi, il y a vraiment un gros travail. Oui, mais pour moi, un décor ne raconte rien sans personnage. Ça, et pourtant, j'adore les décors, hein, j'adore. Mais tant qu'il n'y a pas le personnage, enfin, je ne dois pas faire un film sans personnage, qu'avec des décors. Alors, on va réécouter ce que tu as. Alors, ça va peut-être changer, mais hop, par rapport à. D'ailleurs, tu n'es peut-être pas. D'approfondir, de creuser, de découvrir. Et c'est sûr que j'aime qu'un dessin me trouble, me fascine et me donne effectivement un sentiment de profondeur, de vertige. J'aime beaucoup que le lecteur puisse plonger dans une image et voyager et creuser, et qu'il ait des surprises. Donc pour ça, il faut passer beaucoup de temps. Je suis un peu un laborieux, c'est typique des Belges, qui sont un côté un peu plus laborieux, qui sentent un peu plus d'effort, mais je l'accepte. Il y a moins de facilité, je dirais, que chez d'autres dessinateurs. Et mon père, il disait un truc très joli, il disait « Le temps ne respecte pas ce qui s'est fait sans lui. » C'est joli sur ce que peut capter le dessin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être automatiquement du temps, il y a des dessins qui sont beaucoup plus beaux et qui vont être vite. Mais dans mon cas, voilà, j'ai besoin de la mature, que ça sédimente. Et je gratte, je suis très content, donc je reviens continuellement sur mes planches. J'ai du mal à les donner à mon éditeur, c'est pour ça que je les scanne moi-même, parce que je suis toujours en même moment, je les récupère pour les. Et Victor Hugo disait, le futur est une porte, le passé en est la clé. Il y a plusieurs choses, hein. il y a tellement de choses. Déjà, est-ce que toi tu es un dessinateur laborieux, tu reprends le temps énormément? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, moi je ne suis pas du tout. En plus, je n'ai pas de méthode, puisque je n'ai pas fait d'école. Je suis extrêmement laborieux. Oui, tout à fait. Bien sûr, je ne suis pas du tout dans la spontanéité. Enfin, je peux être dans la spontanéité, mais c'est plus du labeur. Enfin, moi, c'est le type de dessin qui m'intéresse de faire. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour des choses très simples, très épurées. Quoique je trouve que. Il y a aussi beaucoup d'intérêt à être dans un graphisme plus sophistiqué, plus dans le sens de, de la masse de travail, de ce que présentait le labeur. Parfois, c'est complètement raté, mais parfois, ça amène quelque chose qui vraiment est très, très intéressant. Et moi, je suis beaucoup plus dans la famille des laborieux, bien sûr. Je te vois vraiment avec Internet croquis. Je te vois. Ah, bah si, là, tu es mal tombé parce que j'arrête pas. Là, oui, en ce moment, mais justement, c'est même surprenant parce que d'habitude, je te. Oui, c'est vrai, toujours, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est vrai. Il y a un petit peu le même côté que quelqu'un que tu connais bien, J.P. Velier, qui un autre réalisateur dont on parlera tout à l'heure, qui lui aussi, enfin, qui est là, lui. Parce qu'on est aussi des feignasses, c'est que bon, une fois qu'on a fait notre journée de travail, on part rebosser comme ça, faire des croquis. À l'époque, tu faisais beaucoup, vers 20 ans, 22 ans, quand tu as commencé. Enfin, quand tu faisais du dessin, tu faisais beaucoup de croquis ou non? Non, parce que j'aime pas dessiner devant les autres, d'une manière générale. Donc, j'estime que c'est un travail très solitaire, très. Moi, c'est le plaisir que j'ai de voilà, j'aime pas trop quand il y a du monde. J'associe surtout le dessin à ma maison, quoi. Donc, tu dirais par exemple à des jeunes, parce qu'évidemment, on a beaucoup, là, beaucoup de jeunes marocains dessinateurs, entiers, pas forcément dessiner tout le temps, réfléchir aussi sur le dessin. Non, pas du tout. Oh là là. Moi je suis pas prof, je donne pas de cours, je sais pas ce que c'est, je suis pas allé à l'école, donc non. Alors là, n'écoutez surtout pas ce que je dis, ça n'a aucune forme d'intérêt. Vraiment. Non, ce que je veux juste dire par là, c'est que moi, ma manière de travailler est comme ça. J'ai des amis qui passent leur temps à dessiner. La plus fascinante, c'était Joanna Quinn, qui est une réalisatrice anglaise de très très grand talent, qui elle dessine tout le temps. Mais c'est impressionnant. Elle ne peut pas s'empêcher de dessiner. Et surtout, elle croque, donc les gens vous regardent, hop, elle vous dessine, enfin. Et je trouve ça impressionnant. Moi, je trouve ça génial, parce que c'est vraiment ce qui... améliore le dessin. Plus on dessine, mieux on sait dessiner. Hein. Ça, il n'y a pas de... Non, faut dessiner. Hein. Ne faites surtout pas comme moi. Alors, vous avez entendu un petit peu. Bah, juste écouter la fin. J'ai une phrase pour expliquer le besoin pour arriver à avoir une vision un tout petit peu cohérente de l'avenir. Il faut avoir une assez grande connaissance du passé. C'est vrai que pour moi, les deux se mélangent parce que j'ai besoin, bien sûr, de m'appuyer sur des choses réelles, sur des vrais morceaux d'histoire pour se permettre d'avancer, pour avoir une vision. Et en même temps, c'est vrai que j'ai des difficultés à dessiner aujourd'hui, tel qu'il est. Ça m'ennuie un peu. Je trouve qu'il y a j'ai besoin de trouver un angle qui permet de revisiter ce réel. Alors c'est vrai que j'utilise un peu comme ça cette espèce de dimension du passé et du futur mélangé. Tout ce que j'ai l'impression de pareil quand je vois tes illustrations ou tes films évidemment ou ensuite ça dans tes films ou quoi. Pareil, je ressens une certaine Ah oui, je pense que c'est un lien avec ce que vient de dire Scruton. Et c'est pas un hasard, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Hein. Je dis beaucoup parce que maintenant je suis un peu plus en retrait vis-à-vis de son travail, je le suis moins, mais j'ai toujours autant d'admiration quand je vois son travail. Mais parce que mon travail évolue aussi et se transforme, et mes envies ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a 10 ans, et puis heureusement d'ailleurs. Je parle bien du discours, évidemment, hein, t'as plein d'histoires d'histoire chez toi. Mais oui, voilà, pour revenir au discours, bien évidemment, oui. Moi j'ai la même préoccupation. Moi je suis persuadé que. C'est un proverbe, c'est pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens, quoi. Je pense que l'histoire est un pilier central. Enfin, l'histoire avec un grand H en termes de science est déterminante dans la dramaturgie, par exemple. Quand il s'agit de faire un scénario, pas forcément historique, hein, mais ça permet, je sais pas, ça donne des clés, ça donne des... ça rend moins bête. On apprend des choses absolument incroyables qui ont été faites il y a des siècles et on pense avoir inventé l'eau chaude. Et ben non, pas du tout. Il y a des choses qui ont été faites il y a très longtemps par des gens qui étaient au moins aussi intelligents que vous. Quoi. Donc, L'illustration, très rapidement, mais c'est parce qu'il y a, j'espère que vous avez tous été voir, alors il y a pas mal de choses, hein, des affiches, voilà, d'expositions, ça c'était pas fait, hop, ça c'était pour un livre. Et il y a des dessins du jour. Les fameux dessins du jour, est-ce que je vais retrouver l'autre? Voilà, ces dessins du jour, j'espère que vous avez tous été voir évidemment l'exposition. C'est venu comment? C'est venu de la proposition d'une copine qui faisait avec des amis, dont certains qui n'étaient pas du tout dessinateurs de profession, hein, un dessin par jour. Et elle me dit, ce serait bien que tu te joignes à nous pour faire ça, on le poste sur Internet, c'est rigolo. Et je lui dis, oh, tu sais, moi je me connais, je vais t'en faire un, et puis je vais arrêter tout de suite. Et puis je me suis pris au jeu, et ça m'a permis de développer, parce qu'il faut être assez rapide, ça m'a permis de développer, enfin d'aller dans un style qui reste le mien, mais différent, et dans lequel vraiment je me suis régalé. Et j'ai tenu la cadence pendant 2 mois, avec des thématiques très variées, avec des... J'ai adoré faire ça. Sur l'actualité, pas forcément, enfin, t'as essayé de... Pas vraiment, parce que c'est là où je me suis rendu compte que, alors que j'ai beaucoup d'admiration pour les dessinateurs de presse, mais je me suis rendu compte que j'ai pas la capacité de faire ça. Je suis trop lent, j'ai besoin de trop réfléchir, peut-être un peu trop compliqué pour être suffisamment réactif, et puis il faut être très brillant, vraiment, pour être dans l'actualité. Est-ce que l'illustration vient de... Déjà de ça, alors, on a l'un de tes fans hein, qui nous a, Erwan, merci beaucoup à lui. Alors c'est un scan, voilà, ça c'est les premiers travaux. Ouais. Tu as pu faire dans Casus Belli. Ouais. Bah c'était l'époque. C'était 90, là. 1990. C'est l'époque en fait où j'ai eu la chance d'être. Non, ça, enfin, ça c'est 91, mais les premières publications dans Casus Belli c'était 89. Fin 89, et ça a été déterminant pour moi parce que c'est le moment où, pour la première fois, on m'a donné la possibilité. À l'époque, il y avait très très peu de magazines, donc tous les dessinateurs qui aujourd'hui ont des blogs et tout ça passaient par Casus Belli, qui était un magazine de jeux, mais surtout qui donnait la possibilité de bouffer à beaucoup beaucoup d'illustrateurs, même qui ne jouaient pas du tout aux jeux, ou c'était pas ça, c'était pas le problème. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais plus sculpteur, finalement, maquettiste, que dessinateur. Parce que ce que j'aimais beaucoup, là, par exemple, ce qu'on voit à l'image, c'est une maquette qui fait une fois et demie ma taille de haut, quoi. En vrai, c'est du polystyrène, du carton, et après, il fallait la photographier, la faire détourer. Alors, je me souviens que là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un copain, il venait d'acquérir Photoshop dans sa version. Il n'y avait même pas de calque à l'époque. En Photoshop, et c'était mais une révolution, c'était extraordinaire parce que moi je faisais des découpages avec des je faisais des montages à la main quoi, je mélangeais photos, illustrations, mais tout ça c'était découper des photocopies, enfin voilà, c'était vraiment du bricolage, mais ça me passionnait, je trouvais la richesse de techniques super intéressante. Donc quand j'ai découvert Photoshop, ça a changé ma vie. Enfin bon, j'ai pas à faire de pub pour Adobe, mais c'est vrai que les outils numériques ont permis ce mélange, tu dis toujours ce mélange, on en parlera, j'espère, de la bande-annonce, par exemple, de l'affiche, parce que je me rappelle le making-of d'Annecy, où tu mélanges toujours Monsieur Coq aussi, bon, et bien la fantôme, il y a toujours l'idée de mélanger à la fois le matériel, continuer à construire des choses, et la technologie. Oui, j'aime bien, oui. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une façon de raccrocher les divers centres d'intérêt que j'ai. Voilà, donc, Est-ce que c'est une importance pour toi? Alors aujourd'hui, tu as fait... récemment Dixit, voilà quelques petites choses Dixit qui est un jeu. Est-ce que c'est on va dire une obligation, quelque chose où ça fait gagner de l'argent et ça fait vivre, ou non il y a un vrai plaisir de travailler sur des cartes comme ça, sur un jeu, toi qui n'es pas forcément je suis pas joueur du tout. Le jeu de société m'a fait vivre pendant une dizaine d'années quand même. Donc j'ai illustré beaucoup, beaucoup de jeux avec des styles plus ou moins heureux. Enfin bon, là c'était vraiment pour gagner ma vie. J'ai éprouvé une grande frustration. Bon, j'étais pas à l'usine non plus. Hein. J'étais illustrateur, donc c'est pas non plus... Mais j'ai éprouvé beaucoup de frustration, d'autant plus que je n'avais pas la chance d'avoir fait mon premier film. D'avoir mon grand fantasme, c'était de faire du cinéma. Vraiment. Et j'étais assez malheureux à dessiner des dragons, je m'en tape total quoi. Mais bon, il fallait le faire, je gagnais ma vie comme ça. Et là, on est venu me proposer de faire Dixit il y a très peu de temps, puisque le jeu est sorti en octobre dernier, et le jeu, je l'ai terminé, je ne sais plus, il y a un an que j'ai terminé ce jeu. Mais là, ils ont été malins parce qu'ils sont venus me voir en me disant « t'as carte blanche, tu fais strictement ce que tu veux ». D'habitude, on briefe un peu. Il y avait quand même 84 illustrations à faire, donc c'est du travail. Mais je suis tombé vraiment sur des gens charmants qui m'ont dit « t'as carte blanche, éclate-toi. Voilà, si tu t'éclates, le jeu sera sympa. Et voilà, ils ont su me parler, quoi. Donc je l'ai fait, c'était un super plaisir de le faire, même si c'était assez important parce que je travaillais sur un film, un long métrage en parallèle. Donc je m'étais donné une carte par jour, plus mon travail sur le prédécoupage du film sur lequel je travaillais. Donc c'était quand même un peu. Mais j'en garde un excellent souvenir. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a moins de pression qu'avant, par exemple, de faire ça? Est-ce qu'il y a un plaisir? Ah oui, complètement. Complètement. Là, c'est vraiment. C'était du plaisir. Bon, après, la pression, c'est de se dire qu'on fait quand même un jeu et qu'on est au service du joueur. Hein. Il y a aussi, s'il n'y a pas un minimum d'humilité vis-à-vis de ça, faut pas illustrer un jeu de société. Hein. Ça reste quand même un jeu de société très particulier, certes, mais ça reste un jeu de société. Donc, ton illustration, elle est au service du joueur. C'est très important, là, tu viens de dire une phrase que tu dis souvent, c'est pas l'usine. Parce que toi, tu as travaillé plus jeune, enfin en usine, tu as fait des boulots qui étaient pas en usine, mais tu as fait des boulots difficiles. Oui, je fais des boulots chiants. Et tu dis à quel point aujourd'hui, il y avait cette jolie phrase de son vital réalisateur de Gus qui disait si vous travaillez dans votre passion, si vous arrivez à travailler dans votre passion, vous ne travaillerez aucun jour de votre vie. Oui, c'est vrai. Avec, alors, il y a quand même un boulot qui est énorme, mais... Oui. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Relativiser. Bah oui, moi, pour connaître des petits boulots de merde, pénibles... Bah, je préfère faire ce que je fais, bien évidemment. S'il n'y a même pas photo, c'est... c'est vrai, quand on travaille dans sa passion, mais les difficultés, elles sont tout autres, parce que tout le pénible d'un travail répétitif, ingrat, dur physiquement, le revers de la médaille de nos métiers, c'est aussi l'angoisse, le fait de ne pas bouffer tous les jours, de pas savoir si on va bouffer le lendemain, des contrats qui s'annulent, et puis le doute. On doute beaucoup quand même. Il y a pas, j'en connais, mais bon, c'est pas ceux qui ont plus de talent, mais qui doutent de rien. Bon, ok. Mais moi, la plupart, tous les artistes que je connais, que je crois, sont des gens qui doutent énormément. C'est aussi ce qui fait avancer. C'est aussi ce qui permet. Mais c'est quand même vecteur d'une angoisse qui n'est pas confortable. Hein. Faut pas non plus imaginer que. Tout est facile. Comment fait cet équilibre justement entre les moments donnés de doute intense où on se dit est-ce que je vais y arriver, les moments donnés où juste on se dit bah, il faut que j'y aille de toute façon parce qu'il faut bien que je bouffe la semaine prochaine ou dans deux jours, etc. On a une énergie. On prend des antidépresseurs. Hein, de manière plus. Non, je pense que ça se structure avec aussi le métier. C'est important de parler de métier. Moi j'aime bien parler de carrière. Il y en a qui ne supportent pas ça. Oh non, je suis un artiste, je n'ai pas de carrière. Moi, j'ai une carrière. J'estime que j'ai... Mais vraiment, hein, ce n'est pas de la prétention. C'est je ne suis plus au même endroit où j'étais il y a 10 ans. Et dans 10 ans, je ne serai plus au même endroit où je suis aujourd'hui. Il y a des choses qu'on accepte de faire à un moment donné qu'on n'accepte plus. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles on accepte de faire des efforts qu'on ne faisait peut-être pas avant. On se structure. On se construit tout de même dans la profession... de manière à justement essayer d'encaisser le mieux possible les coups durs quand ils arrivent. Quoi. Est-ce qu'il y a des carrières justement pas forcément réfléchies ? C'est-à-dire, c'est pas forcément dire dans 10 ans je serai là, mais juste dire oui, dans 10 ans j'aurais forcément bougé, et heureusement, mais il n'y a pas de réflexion. Non, c'est très difficile. Enfin, moi, je ne peux pas, quand je parle de carrière, en revanche, je sais ce que je ne veux pas faire dans ma carrière, à l'endroit où je suis là. Peut-être que je le ferai dans 10 ans, pour une question d'obligation purement alimentaire, pour je ne sais pas, je ne peux pas. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un plan de carrière. Mais ce que je pense, c'est qu'on a des décisions à prendre sur sa carrière, surtout présente. Il y a des choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous acceptez de faire? Ça, c'est important. Est-ce que ça correspond à ma manière de travailler? Est-ce que ça correspond à ma vision des choses? Et est-ce que ça correspond à l'ambition que j'ai pour mon travail? Pas forcément pour moi-même, mais pour mon travail. Quitte à se tromper et se dire, bien sûr. Me tromper. On n'a pas la science infuse, hein. On peut, bien sûr. Mais donc prendre une décision, à un moment donné, dire ça. Toujours, toujours. Je ne supporte pas les gens qui restent sans arrêt dans l'expectative. Je veux dire, les gens qui me disent peut-être. Je déteste ça. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut prendre une décision. Donc on n'est jamais sûr de prendre la bonne. Hein, mais il y a des choix. On est responsable vis-à-vis de sa carrière, enfin vis-à-vis de son art, vis-à-vis de ce qu'on fait. On a une responsabilité. Hier, Sylvain Quenard, tu disais, oui, des fois j'ai des projets, et au bout de 6 mois, je me dis, c'est pas un projet pour moi. En tout cas, je le trouve intéressant, l'histoire est intéressante, mais là, je ne me vois pas le faire. Comment on décide d'un seul coup? Est-ce que c'est une espèce d'instinct naturel qui vient, qui dit, oh, non, là, c'est pas possible? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, bah, t'es sûr que tu veux faire ça, et qui t'aident à prendre une décision? Ou non, vraiment, il y a... C'est toi là, c'est... tout seul qui tente, enfin voilà, qui... C'est un tout, de manière générale, moi, sur les projets dont je parlais là, c'est moi tout seul, hein, mais c'est, voilà, oui, c'est le bide qui parle, c'est vraiment, c'est une question de sensibilité, on se dit, oui, bon, bah, c'est mignon, puis, hein. Et puis après, quand on a plus de doutes, heureusement, enfin, moi, j'ai la chance d'être bien entouré, par mes amis, par mes proches, oui, bah, on en parle, bien évidemment, on échange, heureusement, parce que... Sinon, ça serait triste. Alors, on va passer, évidemment, quand on parle de Franck, on est obligé de parler aussi de choses qui sont, justement, il y a cette idée, je crois, qui sous-entend absolument avec tous les auteurs qu'on a vu pendant le FICAM, j'espère que vous étiez là, d'absolument puiser dans autre chose que le cinéma d'animation, de surtout pas rester uniquement dans son art, et donc c'est intéressant de voir des auteurs qui, justement, sont des mosaïques comme ça, et donc je ne pouvais pas, évidemment, m'en empêcher de pas... S'imaginer que la vie est une farce. Personne n'a pris au sérieux ton amour pour Isabelle au début de Cécilia. Et quand elle a voulu parier contre vous deux, elle a trouvé quelqu'un pour tenir son pari. C'est ça qu'elle est morte. Pour Cécilia. Très bizarre. Oui, elle a dû souffrir. Elle a souffert, et c'est pour cela qu'elle a rendu son rôle. Tu disais qu'à force de jouer la comédie, on finit par s'imaginer que la vie est une farce, c'est vrai, mais il faut y croire. Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de fil dans son art. Vous n'avez pas cru à la sincérité de Cécilia, vous n'avez pas cru à l'amour de François pour Isabelle parce que vous n'êtes pas encore de bon devenir. Et vous ne croyez pas à la sincérité de Rodrigue, ni à l'amour que Mélisande porte à Pléa, s'il faut y croire. Rien n'est faux, il suffit d'avoir un peu la foi et de bien rêver. Comme moi, vous vivrez plusieurs existences, passionnantes et compliquées, pathétiques et cocasses. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Pour cela, il suffit, après avoir cru en vos personnages, de croire en un peu long. L'amour de François pour Isabelle tenait en toi étant enfermé une pièce. Moi, je suis cool. Il est vrai que l'amour n'est pas faute de génie. Louis Jouvet. C'est beau. L'idée évidemment là qui est importante, hein, de l'acteur, du comédien, du théâtre, qui est quelque chose que tu as pratiqué. Oui, c'est vraiment c'est ma formation. Quand tu dis que je suis autodidacte, je ne suis pas autodidacte au théâtre, puisque j'ai pris des cours, j'avais 12 ans, et puis je suis resté attelé à ça. J'ai fait de manière professionnelle jusqu'à épisodique, hein, mais jusqu'à l'âge de 25 ans. Et, paradoxalement, j'ai toujours eu du boulot dans le théâtre. Et c'est quelque chose que tu utilises aujourd'hui? Ah, qui me nourrit énormément, qui me nourrit beaucoup. Oui, je me rends compte que c'est. Et pourtant, paradoxalement, je ne vais jamais au théâtre. J'allais te le dire. Ouais, jamais. Mais enfin, je suis un cul en plomb aussi. Hein. Je ne vais pas non plus beaucoup au cinéma. Hein. Mais ça reste pour moi un endroit magique, le théâtre. C'est très, très inspirant. Et puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens qui lisaient énormément. Moi, je lis quasiment pas. Et ces gens-là m'ont beaucoup nourri, m'ont beaucoup conseillé. Une fois de plus, moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les comédiens. Je trouve que ce sont des gens, pas tous, mais surtout les comédiens de théâtre sont des gens très cultivés, vraiment. Ce sont des gens qui lisent énormément. C'est pas un hasard si beaucoup d'entre eux savent très bien écrire aussi. C'est que, à force d'utiliser les mots des autres, eh ben, ça finit sans doute par imprégner. Et oui. Enfin, moi je garde beaucoup de références comme ça instinctives au monde du théâtre, au monde du comédien et puis au monde du personnage, bien sûr, à la dramaturgie. Je vais me dépêcher, je voulais à la base montrer ça. Bon, à côté ludique quand même. Donc le Rocky Horror Picture Show, hein, puisque tu as participé. Hein, voilà. Mais on va passer à autre chose, parce qu'on n'a pas le temps, je vois le temps qui passe. Est-ce que l'idée de troupe, même aujourd'hui, tout en temps, alors là, la copie n'est pas bonne, hein. Casavetes. Voilà, on est chez Casavetes, Making of Husbands, et alors, vous ne le verrez pas bien, hein, c'est vraiment pour montrer, mais la copie n'est pas bonne, vous l'avez sur Internet, John Casavetes, Peter Falk et tous ces acteurs, et le fait de travailler, et là on voit, encore une fois, c'est vraiment pas bon, mais le réalisateur qui parle avec sa troupe, il y a l'idée de troupe chez Casavetes, en cinéma on peut l'avoir, on l'a évidemment en théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir aussi en cinéma d'animation, qu'on arrive à avoir? Est-ce qu'il y a une troupe autour de toi, je ne sais pas, travailler de... Non, ce n'est pas autour de moi, c'est autour du film. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette distinction qui est que très vite, en réalisant un film, mon premier film, je me suis rendu compte que le réalisateur était là pour répondre aux questions de son équipe et que l'équipe était non pas au service du réalisateur mais au service du film, ce qui fait beaucoup de différence. Donc moi, c'est vrai que lorsque je monte une équipe, j'aime qu'il y ait une certaine fraternité, on peut appeler ça comme ça. Je déteste les rapports de pouvoir, les conflits, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, je crois que c'est vraiment le film. Je me sens toujours très bien entouré, mais moi aussi j'entoure quelque part les gens avec qui je travaille. Mais non, je sens surtout une fraternité, un truc autour du film, autour du projet. Ce qui va me poser un problème, c'est de travailler avec quelqu'un qui se contrefout du film. Ça peut me rendre agressif, mais vraiment. Donc il y a un casting, tu fais un... Par la force des choses, c'est en discutant avec les gens, quoi. Ouais. C'est voilà. Mais sur mon premier film, j'avais eu cette déconvenue de 2-3 personnes. Je sentais qu'ils s'en foutaient du film, ils étaient là pour bosser, quoi. Et ça m'embêtait un peu, ça me posait un souci. Je voulais rapidement passer de la technique. Alors pareil, on ne va pas avoir le temps de regarder. Là, c'est un monsieur Marc Wagner qui travaille le dollar, donc l'argent en tant que création artistique. Et il fait il découpe et il fait ce genre de choses qu'un personnage assez étonnant, parce qu'évidemment il modifie complètement, parce qu'il dit mes tableaux valent quelque chose, et beaucoup de gens sont scandalisés parce qu'il découpe les dollars. C'est des vrais dollars. Il prend un dollar, c'est que des 1 dollar, et il prend ces dollars et il les découpe et il joue avec, et il en fait souvent des choses d'ailleurs assez politiques, mais il joue et il dit c'est drôle parce que les gens évidemment ne voient pas. Moi je vois ça comme du papier. Je découpe, je m'amuse comme ça, par exemple en reprenant des choses comme ça. Et il dit, moi quand je vois un dollar, je le vois comme une technique, comme un matériau pour travailler mes peintures et non pas, enfin mes créations, et non pas comme l'argent que je devrais gagner. Vous regarderez, c'est quelque chose que j'ai récupéré, il s'appelle Marc Wagner. J'aime cette idée de, presque de, pas de rébellion, mais en tout cas de jeu, et de se dire après tout, on prend n'importe quel matériau et n'importe quelle technique et on joue avec. En plus, c'est vachement intéressant ce qu'il fait, je trouve. C'est là où la politique rejoint aussi l'art, et où l'art est politique. On va en venir évidemment juste après. Comment tu choisis tes techniques pour les films de manière plus terre à terre? Comment d'un seul coup tu vas dire, tiens, monsieur Coq, je vais le faire en puppette, sur After, en marionnette, ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des envies à un moment donné de travailler? Tiens, j'ai envie de faire pour. Je ne sais pas si tu vas montrer le making-of du poster d'Annecy. Tu t'as l'air. Ah, je ne l'ai pas emmené. Eh bien, je l'ai. Je ne l'ai pas emmené. Eh bien, voilà. Pas emmené du tout. Par exemple, ça. Musique de Michael Nyman. Il m'en pourrait parler. On va juste regarder, puis tu peux en parler un petit peu. Cette idée, d'un seul coup, de faire l'affiche et de se dire, tiens, j'ai quand même passé par une sculpture, je travaille cette affiche. C'était une commande dans l'affiche. Il y avait un cahier des charges, quand même. Parce que, même si j'ai eu toute liberté, très sincèrement. Ils étaient, d'ailleurs, c'est pour ça maintenant ils font appel à des réalisateurs. C'est justement pour avoir une patte un peu plus personnelle des affiches. Après, ça plaît pas, c'est plus notre problème. Enfin, moi, c'était plus mon problème une fois que l'affiche est. Là, c'était l'année de la. Il y avait un hommage au volume, au film en volume. Donc, comme moi, mon premier film, et comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup, beaucoup de volume, ça m'amusait de revenir au volume. Et de faire du volume pour l'affiche, bien sûr, bien évidemment. Il y avait une logique dans tout ça. Sinon, pour répondre à ta question de tout à l'heure concernant le choix d'une technique quant à mes films, elle est conditionnée une fois de plus par le scénario. À savoir que l'inventaire fantôme s'inscrit vraiment dans des cadres très particuliers, un peu kafkaïens, où je voulais qu'un climat un peu rustique comme ça se dégage. Et donc. Puis je rêvais de faire un film en marionnette. C'était vraiment. Sachant qu'à l'époque, la 3D n'était pas encore suffisamment évoluée. Du moins, avec le pognon qu'on avait, on n'avait pas les moyens de faire une 3D de très très grande qualité. Donc voilà. Le deuxième film, il a été. Qui est en technique de papier découpé numérique, a été conditionné par le fait que je voulais un film très cartoon, très, très foisonnant, qui allait très vite. Qui était animé très vite. Tout est relatif, c'est toujours très long d'animer, mais là, du coup, beaucoup plus. Et le troisième film, la 3D, ça a été conditionné par le fait que le personnage était très lent, très très lent, et que je me voyais mal le faire en papier découpé ou encore moins en volume. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la 3D, que je voulais par ailleurs explorer, essayer, parce que c'est un endroit que je trouve extraordinairement fascinant, intéressant et totalement inexploré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va vite. Saul Bass, grand créateur évidemment graphique, pareil, je vais passer, qui, là je vous le traduis, hein, qui en gros dit que... et en plus c'est en anglais, en sous-titré, donc je vais te le traduire. Ah ouais, ouais. Donc, où en fait, qui explique que on fait ce qu'on veut si on décide. Et le client, et si le client d'un seul coup nous emmerde, en gros, pour parler comme il parle, c'est pas parce qu'il va donner l'argent qu'il faut qu'on se plie à ses envies, et que si à un moment donné, alors évidemment c'est Saul Bass, un peu à la fin de sa vie, qui commence à donner de l'argent, donc on va pas non plus être angélique par rapport à ça, mais j'ai toujours l'impression, quand je parle avec toi, qu'il y a quand même cette idée, tu fais quasiment pas de pub, voire jamais, t'en as fait une pour Oxfam. Oui, c'est pas vraiment, qui était une volonté, Oxfam, voilà, oui. Politique, etc. Il y a quand même cette volonté de... Alors c'est très curieux cette histoire parce que de publicité, parce que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais dans l'édition, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Moi, dès que je parle avec les gens du marketing ou les gens, j'ai beaucoup de mal, je ne parle pas la même langue qu'eux. Pour moi, c'est des visages pâles, ces gens-là. Et c'est vrai que les gens de la publicité, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est des endroits qui me mettent très, très en colère, en fait. C'est là où je me rends compte que je suis le barbu énervé de coq, quoi. À savoir que il y a une telle prétention, une telle légèreté, mais pas dans le bon sens, une telle vacuité dans ce qui est demandé, dans les rapports entre les gens, dans... faut que ça aille vite, faut qu'on soit à la disposition d'eux, faut être au service du produit... Et en fait, moi, j'en ai rien à foutre de la lessive, quoi. C'est vraiment... Mais d'un autre côté, je me mets dans l'embarras, vraiment, parce qu'à 45 ans, puisque j'ai 45 ans, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais... Ça se voit pas. C'est ça aussi. Même si ça se voit pas trop, ça pose des problèmes d'adultes. Des fois, j'ai l'impression de vivre comme un jeune de 25 ans fauché. Et je me dis, et puis j'ai un garçon de 15 ans, enfin, je suis père de famille. Donc, des fois, je me dis, t'es pas cohérent, Pépère. Tu veux à la fois être indépendant, mais l'indépendance, ça passe aussi par l'argent. Ça passe par le fait, c'est pas normal, des fois, que tu restes 3 mois sans toucher d'argent, je veux dire. C'est très complexe, voilà. C'est un peu compliqué, mon rapport à la publicité. En même temps, c'est épidermique. Il y a des gens, quand ils me parlent, je veux pas parler avec eux. Je veux pas qu'ils m'adressent la parole et je veux pas leur adresser la parole. T'hésites pas à dire à des gens, on va pas citer le nom, mais par exemple, il y a des gens qui sont des agents d'animation, des gens comme ça, de leur dire non, je parle pas anglais, enfin, ouais. De pas se mêler à ces gens. Voilà. Je suis très désagréable, oui. Oui, parce que c'est épidermique. Il y a un truc qui va pas. T'es célèbre maintenant ? Ah oui, très. Gombrowicz, Victor Gombrowicz, quelqu'un évidemment aussi. J'avais pas reconnu. T'avais pas reconnu, non, oui, mais... Non, c'est très surprenant. Donc Gombrowicz, qui est un auteur que j'ai joué. Polonaise, que tu as joué. Ouais. Hein, que j'adore, oui, oui. Voilà, et qui là parle d'un art où on paye et un art où on est payé. Est-ce que ça te parle? Oui. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, absolument. Et c'est bien de dire ça parce que. Quand je parle de la publicité, de la détestation que je peux voir pour certains milieux, j'ai pas la détestation de la commande, la preuve. Je fais une affiche pour Annecy, je fais un jeu de société. Au contraire, moi, quand je travaille avec des gens avec qui... moi, j'adore ce système d'échange, ce commerce-là. C'est du commerce. Je fais un boulot, vous me payez en retour, tout le monde est content. C'est très bien, moi, je trouve ça impeccablement ça. Ce qui n'empêche pas d'amener son art au milieu de ça. L'argent n'est pas sale, je veux dire, l'argent, il peut être sale, tout dépend de comment il est utilisé, d'où il vient, ce qu'il fait. Mais quand il parle aussi d'art où on paye, moi, je le prends comme étant de sa personne. Il le dit, vous ne l'avez pas entendu, non, il le dit à la fin, il dit, ben oui, maintenant que j'ai un peu d'argent à la fin de ma vie, qu'on commence à me reconnaître, j'ai plus la santé, et je ne peux plus profiter finalement de cet argent que j'ai enfin, parce que, évidemment, on a souvent le tort de dire à des artistes, une fois qu'ils sont très vieux, de dire, hey, c'était finalement génial ce que vous faisiez. C'est terrible. Voilà, mais c'est dommage, vous n'avez pas eu d'argent pendant tout le long de votre vie. Bah, allez dire ça à Jacques Tati, pour ne citer que lui, enfin, ça l'a rendu fou, fou furieux, hein. Il est mort très aigri, Jacques Tati. C'était terrible de le voir. Moi, je veux plus voir les interviews sur ces dernières années, parce que c'est terrible de voir cet homme qui était si lumineux, avec un cinéma si lumineux, si inventif, le voir mais physiquement aigri, quoi. Parce que c'était très dur, parce qu'il a payé très très cher sa volonté d'indépendance et de... D'indépendance. Et d'indépendance. Est-ce que la récompense est super important et est-ce qu'on devient star quand on est nominé au César? Il est là, regardez, juste en haut. C'est une capture d'écran que j'avais fait à l'époque. Tu remarqueras que c'est moi le plus sombre. Hein. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'ils n'étaient pas là où il est. Et je me rappelle plus des autres. Ah, hein, j'ai oublié. Oslo. Est-ce que c'est quelque chose qui est la nomination César, le prix spécial du jury à Annecy, ce genre de choses? Évidemment, c'est toujours un plaisir. C'est quoi? C'est d'un seul coup se dire, bon bah tiens, ça y est, il y a des gens qui autour commencent à reconnaître un peu ce que je fais, ou c'est plutôt de se dire, j'ai une récompense, peut-être que ça va me permettre d'avoir un peu plus d'argent ou un peu plus de... C'est les deux, c'est très très agréable. Moi j'adore les récompenses, je suis désolé, mais si vous voulez me donner une récompense, je suis très, très content. Non, de manière plus sérieuse, faut pas non plus que ça vous mette trop la grosse tronche, quoi. Ça veut dire qu'il faut savoir repositionner les choses à leur place. Moi, je le prends comme un encouragement à continuer. C'est très gratifiant, effectivement, que d'être reconnu, d'avoir un prix. Après, c'est tellement subjectif. Ça reste des médailles en chocolat, quand même. Hein. C'est pas la garantie que vous venez de faire un chef-d'œuvre. C'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que votre travail est intéressant. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, remis dans le contexte. Et puis la nomination au César, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu d'être nominé au César, parce que comme ça, j'ai pu aller fumer des cigarettes avec Marion Cotillard. Et pas vous. Non, mais c'était rigolo, parce que voilà, c'est exactement pour la raison que je viens de vous dire. J'ai été fumer des clopes avec Marion Cotillard. Mais c'était surtout l'occasion de faire la fête avec les copains avec qui on était, chercher l'erreur. Edmond et Tétanade étaient en compétition, notamment avec Ernest et Célestine. Bon, devinez qui a eu le César. Non, bon. Mais au moins, comme ils l'ont eu eux, on a pu faire la fête et partager. Ils ont partagé un peu la fête avec nous, quoi. Et demain, la médaille en chocolat, c'est pour qui? Pardon? Demain soir, la médaille en chocolat, vous la donnez à qui? Bien essayé. Je me suis dit légèrement, comme ça, au détour de deux questions. Essaye, hein. J'essaye. Régulièrement, je me dis, on sait jamais. Allez, je finis pour mes questions à moi avec sur deux petites choses, comme ça après on va voir. Je voulais parler de rapidement de prod, mais on va pas avoir le temps avec les Papy 3D. Ah, la fine équipe. Voilà, la fine équipe de Papy 3D. C'était vraiment cette volonté, tu l'as déjà dit hier, on va pas passer trop de temps, mais de se dire, allez, on est des réalisateurs, on a envie des. Même si on aime les producteurs, enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'on aime. Ah, je déteste les producteurs, mais surtout, okay. Surtout Jean-Paul, par exemple. Merci, pour le citer que lui. Tu pourras me raconter, tu étais à l'inventaire pendant aux armateurs, hein, pendant l'inventaire fantôme? Non. Non. Après, oui. Bien joué. Donc, donc Papy 3D, c'est quoi ce Papy 3D? Allez, je pense que je peux pas m'en empêcher. C'est venu de là. Oh là là. Une grande création de Franck Don, donc c'est venu des fous d'anime. Là, c'est un défi des fous. Je passe un tout petit peu, hein, tu m'excuseras de... Allez, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs. Les diplomates, les bosseurs. Merci. Donc, On veut quelque chose de rouge. De plus brillant, hein. Alors vous ne pouvez pas comprendre, c'était un défi des fous qui était fait sur, voilà, il fallait parler de tomates, il y avait une chanson comme ça, et donc évidemment déjà, Love Patate, une patate qui arrive, et on sent les deux. Les fous d'anime, c'est comme ça que vous rencontrez, c'est intéressant quand même cette rencontre, c'est une rencontre presque, c'est virtuel à la c'est base. C'est virtuel, ouais, c'est très très étonnant, on rencontre tous les gens que vous avez vus qui constituent la société Papy 3D, qui est une société de production, hein. Ça existe vraiment ça, c'est pas une blague. On s'est rencontrés sur Internet, au sein du forum qu'on fréquentait à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. SVDB, Meul, Lamartine, Meul et... Ah oui, c'est les pseudos. Voilà, les pseudos et Jérémy Clapin, Gilles Cuvelier, Franck de Sarabanenbou, pour parler de là des quatre réalisateurs qui sont au voilà, centre. Voilà. Donc c'était vraiment cette idée de se dire, on va... Parce que c'est virtuel et ils ont, juste pour en parler un tout petit peu, il y a un bureau virtuel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau... C'est sur Internet, tout est sur Internet. Oui, ouais, ouais, exactement. On n'a pas les moyens d'avoir un bureau. En plus, on est, excepté Gilles qui habite Lille, on est tous de Paris. Donc à Paris, les loyers sont très chers. Puis, de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir de locaux. Ça ressemblerait à rien d'en avoir. Et on a juste une boîte aux lettres. On travaille essentiellement chez nous. Et on a réussi à monter une société de production qui maintenant existe depuis presque 10 ans en se rencontrant sur Internet, quoi. Un peu comme les petites annonces, quoi. Enfin, c'est assez speed rigolo. C'est du speed dating sur Internet. C'est assez rigolo, c'est inédit, hein, mais je trouve ça suffisamment effectivement intéressant pour pouvoir le... C'est juste parce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et en effet, il y avait une question du réalisateur du Burkina Faso, qui est, voilà, merci, qui est ici, et se dire justement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait des fois pour se produire. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, mais je pense qu'en effet, réinventer en tout cas... De manière très, moi j'en suis, je sais pas, hein, mais réinventer, je trouvais Papy 3D intéressant, les manières de produire, ou en tout cas revenir dans le passé, se dire, bah tiens, comme je dis, il y a des artistes, hein, des acteurs, des réalisateurs qui disent, on va créer notre propre société. Il y a sûrement des choses à faire qu'on ne connaît pas encore pour l'instant et qui, voilà, par exemple, Papy 3D, faut on prendre, est. Faut, si on n'est pas content des autres, il faut prendre les choses en main aussi. Hein. Bon, alors moi je dis ça en tant que Français. Hein. Tout à l'heure, il a été. Enfin, on ne va pas parler de ça parce que c'est tellement complexe. Mais c'est tellement évident que si les dirigeants d'un pays ne prennent pas la volonté politique de soutenir les artistes, alors là, on est vraiment mal. Je veux dire, nous, on a vraiment une chance là-dessus. On est chanceux, comme diraient les Québécois. C'est d'avoir une structure qui s'appelle le CNC en France, qui n'existe pas dans tous les autres pays d'Europe. Si, je crois que l'équivalent existe du moins en Belgique. Je crois qu'il y a un peu un truc en Suisse. Enfin bon, mais c'est loin d'être généralisé. Et si on n'a pas ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est évident. Donc moi vraiment j'ai la chance d'être né en France, de vivre en France, sinon je crois que j'aurais pas pu faire mes films, ou alors je les aurais fait d'une manière tout à fait différente. Oui. C'est quoi un chat avec la bouteille de vodka? C'est Ivan, hein, Ivan Ivanovitch. Ça, c'est... Alors Ivan Ivanovitch, c'est le personnage principal d'un projet de long métrage que j'ai avec mon camarade Gilles Cuvelier, qui est un projet assez ambitieux parce que c'est un projet pour adultes. C'est un long métrage pour adultes qui, la thématique, c'est un chat qui va traverser l'histoire de la Russie du début du XXe siècle à nos jours, en 9 réincarnations, en 9 vies, et systématiquement il se retrouve réincarné dans un chat russe, et on ne sait pas pourquoi, enfin bref, et il veut mourir sur la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo, donc... Et ça, quand tu le présentes à Annecy, quand vous le présentez, on parlait de la difficulté tout à l'heure de faire un cinéma, alors encore une fois, je ne sais pas quel est le bon terme, mais après tout, on s'en fout de bien, mais un autre cinéma, on va dire, ça passe facilement ou Non. Non, hein. Non, c'est, on fait figure. On avait été la chance d'être retenu, comment dirais-je, pour pitcher le projet devant des professionnels. On avait été un peu pris de court parce que on n'en était pas à l'endroit où on avait besoin de rencontrer des professionnels. On avait besoin de faire avancer le projet, mais on s'était dit ça peut nous dynamiser, ça peut... Et puis on a été retenu pour faire le pitch qu'on a fait. On a présenté ça à des tas de gens, mais on est passé vraiment entre eux. Il y avait un projet, c'était que des projets très mainstream, comme on dit, vraiment pour le très très grand public. Nous, on est arrivés, on était carrément des clochards avec notre chat, quoi. Et ça, mais ça a fait rire quand même. C'est drôle parce qu'on a rencontré une productrice qui, elle, était très très emballée et qui, Après, bon, la difficulté faisant que... Et même toute la salle était emballée. Enfin, moi, j'étais là, c'est ça qui était étonnant. On avait l'impression qu'il y avait un engouement, mais vraiment sincère pour le projet. Ah, on voit autre chose, qu'est-ce que c'est agréable. Et d'un seul coup, vous sortez finalement une productrice et oui, ça donc, signe pas. Donc... non, on a été un peu refroidi. Bon, comme c'est un projet qu'on fait en parallèle, on ne le fait pas à plein temps, on n'est pas payé, hein, c'est sur notre temps. Et l'écriture, c'est du temps. On est lents tous les deux, en plus, Gilles et moi. Donc, bah oui, malheureusement, on n'est pas, on a besoin de temps, etc. Enfin, ça revient au laborieux que j'évoquais tout à l'heure. Et les choses se sont étiolées, mais bon, le projet n'est pas du tout abandonné. Il y a l'idée. Moi, je crois au projet. Il y a l'idée, mais après, c'est un projet extrêmement compliqué à produire, c'est surtout un projet extrêmement compliqué à diffuser. Ça veut dire quel diffuseur va accepter, parce que moi, j'ai pas envie de produire le film que personne ne verra, quoi. Donc, qui va accepter de rentrer dans le jeu de parce que c'est un film assez, c'est un film pour adultes. C'est pas un film. Alors, j'espère qu'il pourrait plaire aux enfants. Mais enfin, le chat, il est alcoolique, il a des portes jartelles. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Alors, je vous rassure, c'est pas que ça. C'est sa dernière vie. Ça, c'est sa dernière vie. C'est vraiment une vie de déchéance. Dit comme ça, en effet, j'imagine que les producteurs veulent se précipiter. J'aimerais bien que ça plaise aux enfants. Certes, il boit de la vodka, il met des portes jartelles. Bah, faut le dire tout de suite. Après tout, même si c'est pas tout le film, faut le dire tout de suite. Comme ça, il n'y a plus de surprise après. Comme ça, on est sûr que le reste passe. Il finit en Frankenstorter et à la fin. Allez, juste, et là, je termine vraiment. Là, on a Michael Nyman. Meurt dans un jardin anglais. Meurt dans un jardin anglais. Et là, on va voir la tête de Pierre Caillé. Ah, donc je vais baisser évidemment le son, mais évidemment l'importance de la musique. Comment tu travailles la musique avec souvent cet homme donc, qui est. Allez, cet homme qui est Pierre Caillé. Avec le beau Pierre Caillé. Oui, qu'on voit tout petit chez eux, c'est la seule photo que j'ai trouvée de lui. Qui est le sosie de George Clooney. Pierre, c'est un ami très cher depuis. Je crois qu'on se connaît depuis 15 ans maintenant, qui était venu me voir. Je n'avais pas encore fait mon premier film. Et il s'était présenté, il m'avait fait écouter sa musique. Il était au courant du projet du film que j'avais. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et pour la première fois, c'était sur mon premier film. Et depuis, on travaille sur à chaque fois ensemble. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un très très grand artiste à mon sens. C'est quelqu'un qui connaît la musique savante, qui c'est un vrai musicien. C'est un vrai compositeur. En même temps, il a ce côté bidouilleur. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument qu'on travaille avec des grands musiciens. Pour le dernier film, on a travaillé notamment avec le quatuor Modigliani, qui est un groupe, un quatuor. Très à cordes, très, très réputé dans le monde. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez fin. C'est un vrai artiste, Pierre. C'est vraiment. Alors après, par exemple, pour le film que je vais faire prochainement, là, j'ai hésité à l'appeler. C'est la première fois où je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller voir. Non pas parce que ça ne me plaît pas, mais peut-être aussi pour se diversifier, pour aller voir ailleurs. Puis finalement, non, c'est aussi encore lui qui va faire la musique. Est-ce qu'il y a besoin, la dernière chose, de tendresse? Genre, vous voyez les images hier. On a fait en trois parties presque. C'est dommage, cette rencontre a commencé hier matin, puisqu'on a parlé beaucoup d'autres choses hier matin. Ouais. Et notamment l'idée de tendresse, qui moi m'a impressionné en revoyant les trois films, et même de la tendresse pour des gens comme l'huissier, comme Monsieur Coq, comme même pour peut-être les deux imbéciles, peut-être un peu moins dans les d'Edmond, mais quand même cette grande tendresse qu'il y a. Ah oui, la tendresse, c'est quelque chose d'important, je trouve, que ce soit dans la vie ou dans le cinéma. Je veux dire, c'est bien d'avoir, pour en revenir vraiment au cinéma, c'est bien d'avoir de la tendresse pour ces personnages, parce que ne pas aimer ces personnages, même les pires enfoirés, les pires personnages, ça revient à mal les exploiter finalement. Mais je reviens toujours au principe du comédien. Quand tu es comédien et que tu joues Hitler, si tu tombes pas, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais si tu tombes pas amoureux de ton personnage, tu vas pas bien jouer Hitler. C'est terrible, mais si tu le joues en disant « je suis méchant, je suis une ordure, je suis un fou », ça marchera pas. Il faut le jouer en disant « je suis un mec sensible, fragile, délicat », et là ça marchera, et ça sera encore pire, ça sera terrifiant. Je C'est le respect. Tu parlais de respect hier, manque de respect, tu trouvais que les gens avaient entre eux, mais là aussi, donc il y a un respect de. Pour le personnage, ouais, je pense. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un personnage méchant, il faut l'aimer, il faut se l'accaparer. Bon, allez, on va voir des images maintenant. On va changer. Ah oui. Je vais te laisser. Bah ouais, quand même, je vais te laisser ma place. Ouais. Tu vas être mieux. Alors, visiblement, tu as demandé une baguette que Erwan a ramenée. Je sais pas trop. Ça, il est un peu vieux, hein, Franck. C'est pas lui. C'était un effet de style, mais je vais pas pouvoir l'utiliser. Je savais qu'il allait faire ça, mais il avait besoin. C'était juste pour faire. Pour faire un peu maître d'école. Voilà, j'aime bien. C'était. C'était uniquement pour ça. Donc ça, c'est réussi. Comment est-ce que. Je sais pas, on peut commencer peut-être. Tu fais maître de cérémonie, quand bien même, sûr, tu me laisses pas tout seul. Non, t'inquiète pas, je reste à côté de toi, tu sais bien que je ne peux pas m'éloigner. Bon, bah écoutez, alors moi on va commencer avec l'inventaire fantôme, qui est donc mon premier film. J'espère que. D'accord. Non, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi. C'est 1012-8. Mais c'est quoi? Non, mais le dedans, tu veux mettre la bande-annonce? Tu vas regarder, c'est là-dedans, dans VLC. Regarde, je vais t'expliquer et là, regarde. Ah, d'accord. Okay. C'est bon. Ah, c'est bon oui. Tu peux mettre du son. Non. Alors, ça, c'est la bande-annonce du premier film qui a donc été produit par la Société des Armateurs. Le film est sorti en 2004. Et c'est un film en marionnette animée dont la production a duré assez longtemps, je crois que c'était presque 3 ans, avec beaucoup de déconvenues parce que c'est mon premier film, j'ai eu la chance de rencontrer Didier Brunner parce que j'avais envoyé mon projet par la poste. Moi je connaissais personne dans le milieu de l'animation, dans le milieu du cinéma, je connaissais absolument personne. Et lorsque j'ai écrit un premier projet qui s'appelait « Avez-vous donc une âme ?» Alors, est-ce que je vais vous le trouver ? Je l'ai envoyé à une dizaine de personnes, dont Didier Brunner, qui était le seul à me répondre. Et ça a été une vraie chance parce que il m'a donné la possibilité de rentrer de plein pied dans le monde du cinéma d'animation. Donc ça, voilà, c'était le dossier que j'avais envoyé à Didier Brunner. À l'époque, ça, c'est déjà le dossier. C'est un projet sur lequel je travaillais depuis 1992, c'est vous dire. Mais bien sûr, je ne faisais pas que ça. Mais c'est une idée, le personnage, là, l'huissier. Ce personnage est né en 1992. J'avais l'idée de parler de lui et de raconter une histoire. Donc j'avais sculpté des maquettes. J'avais essayé de faire un dossier le plus complet possible. Et Didier avait été sensible, voilà, ça c'est le personnage principal. J'avais fait faire la marionnette à mes frais. Bon, la marionnette, je l'avais sculptée moi-même, mais elle avait une armature que j'avais faite réaliser, mais elle coûtait très cher, c'était un peu foutu de moi d'ailleurs. Et concernant le scénario, j'avais réécrit une version avec des amis qui m'avaient rendu le service de m'aider, qui n'étaient pas scénaristes, mais à trois c'était plus simple, parce que j'étais vraiment totalement désespéré. Quoi. C'était en 99, et j'étais vraiment, vraiment désespéré. Et grâce à ces deux amis qui m'ont dit « on va t'aider à écrire le scénario que tu veux », même s'ils n'étaient pas scénaristes, et ben ça a donné un projet qui a séduit Didier Brunner. Mais après, il fallait le produire, le film. Et tout Didier Brunner qu'est Didier Brunner, ça n'était pas simple, parce qu'il allait voir les gens, et les gens lui disaient « d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait comme film avant ?» Et c'était mon premier film. Donc, c'est devenu très vite une histoire de dingue. Mais qui arrive à beaucoup de jeunes réalisateurs. Vous allez voir les gens avec votre projet, et puis les gens vous disent, qui adorent prendre des risques, vous dire oui, mais vous avez fait quoi avant? Bah, j'ai rien fait, c'est mon premier film. Ah oui, mais si vous n'avez pas fait de premier film, je ne peux pas faire votre premier film. Bref, ça devient une histoire de dingue. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus que Didier, qui des fois a des idées farfelues, voulait carrément aller au long métrage, lui. Et moi, ça ne me rassurait pas vraiment parce que je ne savais pas en plus si le cinéma, ça me plaisait ou pas. J'avais envie de passer par mon premier film, premier court-métrage. Donc voilà, là, ça vous donne une idée un petit peu de... Pas mal de références malgré tout, c'est-à-dire que quand tu te présentes, tu dis... Ben voilà, j'ai... je sais pas, il y a des références théâtrales, cinématographiques, etc. ou pas forcément. Oui, alors dans le texte, tu veux dire ? Ouais. Non, pas du tout, je crois pas. Je crois qu'il y avait très peu de références, peut-être un peu sur la littérature, sur Gogol, mais pas vraiment de références frontales, enfin de références rédigées quant au théâtre, à tout ça. Et quand tu le vends, enfin quand tu vas voir Brunner par exemple pour la première fois, tu lui dis, bah oui, voilà, j'aimerais aller vers ça, ou pareil, non, tu... Oui, bien tu sûr, moi j'ai une idée, assez, voire même très précise de ce que je veux faire, de ce que je ne veux pas faire, et je tombe face à quelqu'un qui lui, justement, est très encourageant de ce point de vue-là. Et je me rends compte très vite que le graphisme et l'univers ne séduit pas du tout les gens de l'animation de court-métrage. Donc, que je suis complètement en dehors je suis un peu extraterrestre, quoi, en débarquant dans... Et en fait, on arrive à faire le film. Malgré la longueur de la mise en route de la production, on arrive à faire le film. On rentre en production en 2002. Il y avait eu un travail énorme en amont, parce que moi, je continuais d'avancer, notamment sur la recherche des décors, sur la recherche des accessoires. Et on trouve les fonds pour le faire, un peu de bric et de broc, on va dire. Il y avait quand même l'argent, ça c'est très important, pour salarier tout le monde. Mais après, c'est un peu du bric et de broc, et je trouve que ça a contribué, ce qui a contribué à faire qu'au sortir de l'inventaire fantôme, j'ai eu envie de devenir mon propre producteur. Ça n'est pas tant le fait d'une mésentente avec Didier Brunner, mais c'était surtout du fait d'une mésentente avec les coproducteurs avec qui il s'était accoquiné pour faire mon film. Moi, ça ne me convenait pas du tout, et au sortir de l'inventaire fantôme, je me suis dit que plus jamais on m'imposerait des gens avec qui travailler, de prestataires, et que ce serait moi qui les choisirais. Voilà. C'est l'une des raisons qui, moi, m'ont poussé à fonder la boîte de société Papy 3D avec les copains. L'idée de payer aussi tout le monde est vraiment fondamentale pour toi. Elle est déterminante. De pas avoir stagiaire, de pas avoir... Ah non, voilà, non, moi je travaille plus. Alors c'était pas le cas sur mon premier film où les gens étaient très très mal payés. Enfin, pas mais les stagiaires. Hein. Et moi j'ai toujours du mal avec ça. Et c'est vrai que sur mes films il n'y a pas de stagiaire, même si on me demande. Alors je comprends qu'il puisse y avoir un intérêt à être stagiaire sur un court métrage, c'est aussi une manière d'apprendre, mais en ce qui me concerne ça représente beaucoup trop de temps, parce que je ne conçois pas faire venir un stagiaire pour lui faire servir le café, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Donc s'il y a du taf à lui donner, il faut le préparer ce travail, et ça c'est vraiment du travail que de donner à préparer, enfin étrangement faire travailler quelqu'un, c'est du travail, parce que ça demande de la préparation. Donc très vite, je passe sur ça. C'était ce qui nous a servi à faire. Donc le dossier était très très complet pour l'inventaire fantôme. J'avais dessiné le costume des personnages jusqu'aux pompes. J'avais fait des simulations d'animation, enfin de visage, pardon, sachant que tout était destiné à être sculpté pour être animé image. On avait pléthore d'objets à sculpter que j'avais dessinés avec des côtes, comme vous pouvez voir là. Enfin, c'était vraiment... j'ai jamais autant préparé un film que celui-là, mais je voulais vraiment être sûr d'être bien compris. Comme c'était mon premier film, je voulais vraiment être certain que la communication avec l'équipe allait être claire. Voilà. Je ne voulais surtout pas de malentendus, de me retrouver avec des trucs que je ne voulais pas. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible, d'autant plus que je sculptais bien sûr avec eux. Donc voilà, ça c'était c'est une partie du dossier technique, ce que j'appelle le dossier technique, qui nous a servi de référence pour faire tous les objets, mais aussi les décors. Ouais, voilà les décors. Donc ça c'était donné à tous les membres voilà. de l'équipe, c'est ça? Voilà, les membres avaient des dossiers, avec même les cotes, et bien évidemment, moi étant là pour répondre à chacune de leurs questions, s'ils avaient des doutes. Donc voilà, tout était avec des maquettes préparatoires, avec les personnages, avec pour vraiment, une fois de plus, qu'il n'y ait pas d'équivoque. J'avais très très peur de ça, c'est de faire un film qui me déçoive, quoi, qui soit pas celui que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, Donc, bah ensuite, cette aventure a continué. Tous les objets se sont faits sur Paris. Et après, nous sommes partis à Angoulême, dans un garage souterrain en guise de studio, où il y avait même eu, je vais la redire celle-là quand même, où c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un geyser de merde, mais un vrai geyser de merde. À savoir que les toilettes étaient bouchées, et au moment de les déboucher, il y a eu un geyser de fientes au milieu de mes maquettes et de mes accessoires. Et j'ai cru que tout allait être noyé, emporté par un océan de merde. Et heureusement, tout est resté intact. Mais c'était la quintessence, c'était le point d'acmé du tournage qui était très très difficile. Il était difficile parce qu'on avait très peu de moyens, on n'était pas bien logés, enfin bon. Parce que t'aimes pas Angoulême en plus. Et ça m'a fait détester Angoulême d'une façon définitive et irrémédiable. Le tournage, juste comment il s'est passé, puisque t'étais réalisateur, t'étais pas animateur, tu l'es un petit peu plus maintenant, mais à l'époque en tout cas pas volume. C'était facile la communication avec les animateurs ? J'avouais parce que j'ai eu la chance vraiment d'avoir une équipe bien, quoi. De gens bien. Il y a eu des frictions parce que. Il y a des frictions humaines parce que les conditions de tournage, c'est tellement difficile. Vraiment, c'était difficile. On était mal logés, on était les uns sur les autres. Ça s'éternisait, ça n'en finissait pas. Ça durait 5 mois, je crois, le tournage. On avait des vrais problèmes techniques. Savoir qu'on avait. Le coproducteur en question nous avait fourni un appareil photo qui ne marchait pas. Qui ne voulait pas le remplacer. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Donc ça a créé des tensions qui sont toutes naturelles, mais sinon globalement l'équipe était super, quoi. C'était vraiment des gens qui ont et oui, la communication, ça allait très bien à ce niveau-là, pour le travail en tout cas. Ouais. Et donc, fort de cette aventure absolument incroyable, je suis revenu à Paris avec une moitié du film dans la poche, d'une moitié parce que l'idée du film, c'était de le faire en 2 fois, c'était de le faire en volume, et déjà en tête, j'avais l'idée de faire énormément de post-production dessus, voire de retoucher tous les plans dans Photoshop et dans des logiciels comme After Effects. Donc je suis revenu avec toute une partie du film et je me suis attelé à un travail beaucoup plus solitaire, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que moi j'aime bien travailler seul, j'aime travailler en équipe, mais j'aime aussi beaucoup travailler seul. Et je me suis attelé à retoucher le film image-image, des fois, carrément image-image dans Photoshop. Alors, est-ce que j'ai des exemples ? Je crois que malheureusement, j'ai pas d'exemple avant-après pour vous montrer l'image du tournage avec. Enfin bon, c'était très truqué, j'avais mélangé l'illustration après, qui faisait très illustration, avec un côté plus photographique. Bon, c'était un film comme ça que je voulais faire, c'était un film très très baroque, très riche, un peu rustique. Bon, c'est vraiment le côté qui m'intéressait, c'était un film baroque. Voilà. Pourquoi t'as mis, excusez-moi, alors là c'est vraiment une espèce de parenthèse, vous n'existez pas, pourquoi le making-of n'est pas sur internet, pourquoi t'as jamais mis? Ah, un autre making-of, ouais. Qu'on a fait ensemble. Parce que je me dis qu'il y a des images comme ça. Et parce que je suis pas sûr qu'on ait les droits, mon pépère. D'accord. Eh oui. Parce qu'on a fait un making-of, en fait, et quand je dis ça, c'est parce que ces images y sont, avec une interview, donc je trouverais ça intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir. Justement, je me disais, tiens, je l'ai peut-être sur mon disque dur, et il faudrait que je regarde, mais là, on va pas couper ça, mais. Et d'un seul coup, il y avait pas mal de ces plans, ouais, dont tu parles. Bah, qui explique bien, en fait, le principe que j'avais adopté pour réaliser tout le film. Oui, t'as raison. Parce qu'on a mis celui de Gilles en ligne, hein, c'est pour ça. Ah bon, on va le faire. Voilà. Oh, bah, attends, donc voilà, donc bientôt, bon, bah, bientôt j'ai réussi, merci beaucoup au FICAM, on va réussir à le mettre en ligne. Donc voilà, le film, je termine le film comme ça, dans des conditions très rancobolesques, parce que moi, ça a foutu la merde pas mal dans ma vie personnelle, enfin bref. Achat d'ordinateur pour travailler personnellement. J'ai été jusqu'à, parce qu'une fois de plus, le coproducteur ne jouait pas le jeu, enfin bon, bref. Et le film sort pour Annecy, et là je découvre le monde du cinéma d'animation, moi je ne connaissais strictement personne. Et on débarque dans un nouvel univers, il faut défendre un film. L'accueil de l'inventaire fantôme s'est révélé plutôt bon. Le premier festival, j'ai eu la chance d'avoir un prix, le prix junior à Annecy, qui a été alors là un super encouragement pour continuer. Ça a désolé tous les gens qui n'aimaient pas mon travail, parce que là, c'était assuré que j'allais refaire un deuxième film. Et qu'il y avait en plus qui voyaient les armateurs en début, qui se sentaient... Ah oui, c'est très drôle. Et je dois avouer, voilà, que même moi... Hein, oui, ben, je suis le premier. Je dois l'avouer, genre, on peut le dire, voilà, la première fois où je vois le film, je me dis... Oh, un petit gars que je ne connais ni d'Abdi Nadan, je ne sais pas d'où vient, il n'a pas fait d'école d'animation. On peut être aussi très stupide, je l'avoue, on évolue. Et en plus, il a les armateurs, il a eu plein de fric, ouais, aucun problème. Il est très beau son film, mais bon, ça y est, quoi, c'est un parvenu total. J'ai changé d'avis, bien évidemment, depuis. Et je ne suis pas le seul. Non, parce que le film a une facture, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a une facture très professionnelle. Les gens tout de suite se sont dit ce mec, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas machin, c'est un pistonné et puis il a une équipe de 120 personnes, ils avaient 10 000 machines, ils avaient des studios avec 5... comment ? Ton générique est long en plus. Ah bah mon générique en plus c'est le plus long de l'histoire du film du court-métrage d'animation quand même, hein. Il est aussi long que le film quoi. Parce que je voulais que tout le monde apparaisse bien, tout le monde ait le temps de lire, enfin bon... Ça. C'était un calvaire après de me taper ça au festival quand j'ai eu le film. Donc voilà, il y a eu un malentendu au départ. Les gens qui n'aimaient pas le film, on en profitait pour laisser entendre que c'était un film qui avait eu beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup de moyens. Et qu'à partir de là, c'est très facile de faire un film professionnel, quoi. Ce qui était tout à fait le contraire, en fait. Mais si on avait été produit très correctement en amont au niveau des salaires, en tout cas au niveau des moyens techniques, ça n'était dû qu'à notre travail, vraiment, aux uns et aux autres. Donc ça, c'est une vraie injustice. Mais bon, après, les gens racontent ce qu'ils veulent. Hein. Toi le premier, d'ailleurs. J'ai pas été aussi loin, hein. Là, il exagère. Quand même. Serge Brombard, il est plus loin. Qui ? Ah oui. Continuons. Je regarde juste l'heure. Oui, je vais tâcher de... Non, au contraire, vas-y. Je vous fais l'historique. Alors, ah oui, peut-être... Non, on fait les questions après. Oui, vas-y, continue. Non, continue. Au contraire, c'est intéressant sur monsieur. Enfin, d'accord. Oui. Donc, fort de cette expérience qui vraiment répondait pleinement à ce que j'attendais de faire un film, du fait de faire un film, ça me plaît. C'est entendu que je ne me suis pas planté, c'est bien ça que je veux faire. Je veux en faire un deuxième, mais on va rectifier le tir sur pas mal de choses, notamment, bien évidemment, sur la production. C'est la raison pour laquelle on monte Papy 3D, puisque mes copains avaient eu des déconvenues différentes des miennes. Eux, c'était carrément un problème avec leur producteur, plus directement, ou alors encore d'autres choses. Nous montons donc Papy 3D Productions, et le premier film de Papy 3D Productions, parce que j'avais terminé de l'écrire, devient Monsieur Coq, qui là est un film radicalement différent que je décide de faire sur un dispositif beaucoup plus léger que l'Inventaire Fantôme, même s'il y a de la maquette photographiée, mais tout sera animé sous After Effects à la manière de papier découpé numérique, voilà ce qu'on appelle le cut-out. Et je pars aussi sur une équipe plus petite, plus resserrée. Des amis qui ont un studio à Lille qui n'existait pas plus. Si, il existait, il venait de le fonder, ouais, quasiment, ouais. Qui vont faire l'animation, donc des gens que je connaissais avant de faire, et dont l'un d'entre eux avec lequel j'avais monté Papy 3D. Je vous mets la bande annonce, hein, du faut la mettre dans VLC. Ah, dans VLC, ouvre avec VLC. Je pense qu'elle sera mieux. Non, vas-y, si ça marche, ouais. Donc, la manière de fabriquer le film là est radicalement différente, parce que j'ai la possibilité en tant que producteur de décider où le film va se faire, quels sont les partenaires avec qui on va travailler, quels sont les animateurs, qui on va chercher pour le financement. On a eu la chance d'avoir le CNC. Et donc c'est plus de travail, mais moi ça me met dans un confort artistique pour le film qui est important. Oui, la bande-annonce dure très très longtemps quand même. Hein. presque tout le film. C'est presque tout le film. Ouais. En fait, c'est un résumé. T'as voilà. Pas un problème là, ouais. Hein, le générique de. Entre le générique et la bande-annonce, ça demandait des réglages, quoi. Ça demandait des ajustages. C'est toi qui fais des bandes-annonces ? Ouais. C'est toi qui fais les bandes-annonces, demande. Ouais. Ah ouais, c'est toi qui les montre. Non, c'est Spielberg. Ouais, ouais, il voulait Kubrick, mais évidemment. Je voulais Kubrick, mais c'était possible. Et donc, la production se passe remarquablement bien. J'arrive à louer une maison dans l'île. Je rencontre des gens super. On fait les maquettes en même temps. J'ai l'ordinateur à ma disposition. L'animation se fait pas très loin à Roubaix. Et vraiment, la production se passe dans une sérénité absolument vraiment appréciable, quoi. Et là, j'ai goûté au... Alors voilà, je vous montre quelques images de préparation. Ça, c'était le dossier. Ça peut intéresser certains d'entre vous que j'ai envoyé au CNC pour avoir eux-mêmes au CRAV, d'ailleurs, même à la région Nord, qui était également coproducteur du film. Donc c'était un mélange, ça c'était des illustrations, ça aussi, mais j'avais commencé à sculpter des personnages, je ne sais pas s'ils figuraient dans le dossier. Là il y a quelqu'un aussi qui est, on peut en parler, qui est Zoé. Oui, bien sûr. Il y a lieu qui va t'aider, enfin voilà, il y a une rencontre aussi. Ah bah, elle va plus faire que m'aider, elle va sculpter plus que moi. Hein. Qui est une sculptrice qui maintenant travaille beaucoup dans le live, qui est en sambillère, décoratrice. Elle a travaillé sur Panique au Village, le film aussi. Elle a travaillé sur le film qui a eu la Palme d'Or, là. Le Kechiche. Le Kechiche, oui. Comment il s'appelle ce film ? La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, une artiste que j'aime énormément, et en plus c'est une amie. Donc, travailler avec elle, c'était vraiment, ça a participé au fait d'une belle ambiance, quoi, sur le film. T'as un mot que t'aimes bien dire pour avoir des dossiers. Tu dis, je sais pas si mes films sont bons, mais mes dossiers, oui. Voilà. À défaut de faire des bons films, je sais faire des bons dossiers. Voilà. Donc voilà, c'est une manière de plonger. Moi, quand j'écris un scénario, je déteste différencier l'image du récit. Donc ce que je dis toujours, c'est pour intéresser les gens, souvent on a affaire, ça vous arrivera sans doute, si certains d'entre vous veulent faire leur film, souvent vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas bien le monde de l'animation, ce qui est tout à fait leur droit. Et le meilleur moyen de les prendre par la main pour leur expliquer votre projet, votre vision des choses, c'est d'être le plus pédagogique possible. Et moi, l'une des petites choses que j'ai trouvées pour ça, c'est pour ça que mes dossiers, je pense, marchent bien, c'est de faire des livres illustrés. C'est-à-dire que je fais des livres illustrés pour adultes. Hein, mais c'est, comme ça, c'est clair. Il y a une description et ce qui vient compléter la description, c'est une image, où les personnes puissent s'imaginer, se projeter dans le projet. C'est très important de donner à l'autre la possibilité de se projeter dans le film qu'on a envie de faire avec lui. Ça, c'est déterminant. C'est une question de bonne entente, je ne trouve pas le mot, c'est pas très grave. Mais c'est important d'être didactique, quoi, je pense. C'est l'œil et la première rencontre avec Hélène Bessière, parce que sur l'inventaire fantôme, il n'y a pas... Non. Monsieur Coq est acheté par Canal+. C'est Canal+, pardon. C'est Canal+, qui est très séduit par le projet, qui est effectivement plus dans le style Canal+, qui est un peu plus rentre-dedans, un peu plus provocateur... Et là, c'est pareil, avec Canal+, ça se passe très très bien. J'ai une paire royale, ils suivent quand même le projet. Mais bon, c'est pareil, je vais peut-être vous montrer un animatique. Un morceau, peut-être pour Edmond, non ? Ouais. Hein, voilà. Voilà, ça c'était j'avais des sculptures, donc je les ai mises. Hein, je l'avais sculpté en pâte chimo. Voilà, j'avais même fait un essai en 3D, vous voyez, en carré. Là, ça c'est du Z-brush. Puis j'ai laissé tomber le truc. On est passé entre l'illustration et la photographie de maquette retouchée et animée dans After Effects. Voilà. Donc là, j'avais déjà en amont un truc qui, moi, me permettait de, comment dirais-je, d'être le plus clair possible avec mes futurs interlocuteurs, donc en l'occurrence le CNC, Canal+, la région Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle maintenant Pictanovo, qui avant s'appelait le CRAV, et je crois qu'il y avait un troisième, un quatrième partenaire, je ne sais plus. Enfin, et le film qui s'était... alors le film, lorsqu'il est sorti, en revanche, j'ai eu une déconvenue assez dure, c'est que je l'avais prévu pour qu'il sorte à Annecy, et il n'a pas été sélectionné à Annecy. Et là, ça m'a vraiment mis... On parlait des coups durs tout à l'heure, et j'avoue que là, je l'ai très très mal pris. Ça m'a profondément déprimé. Ça m'a mis dans une espèce de tristesse, d'abord de colère, de sentiment d'injustice. Et puis après, bah, de toute façon, c'est le jeu des sélections. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas. Mais après, ça m'a mais vraiment déprimé. Venez se joindre au Baby Blues, à l'effet Baby Blues, parce que quand on termine un film sur lequel on est impliqué pendant un an, il y a un côté Baby Blues, quoi. Ça y est, le bébé nous échappe. On est un peu perdu, on est un peu hagard. Et là, dessus, sur ça, pas de sélection à Annecy, quoi. C'est même compliqué, parce qu'en fait, tu crois. Tu dis, enfin moi je me rappelle de cette époque-là, tu dis j'ai fait un mauvais film. Ah bah j'en étais persuadé, ouais, j'étais persuadé de m'être planté, et donc c'est une espèce de sentiment d'échec. En plus c'était le premier film que je produisais, donc je me dis bah ça tient à ça quoi, t'es un blaireau, enfin t'as voulu être plus gros que le bœuf, tu t'es cru capable d'eux, et puis en fait non, tu ça marche pas ton histoire. Et heureusement les Américains vont me dire sur les seins. Et il va y avoir petit à petit, il y a des sélections, il y a des choses, on en parle, puis des prix. Il y a plus de prix que même pour mon précédent film. Mais c'est bizarre, j'ai toujours pas l'engouement jusqu'à un point d'acmé qui est la sélection à Sundance, en sélection officielle. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le festival de Sundance, c'est un très grand festival, très important aux États-Unis, de films indépendants. Et quand on est sélectionné à Sundance en court-métrage, c'est l'équivalent de Cannes, quoi. Au niveau visibilité, retombée. Et là, le film commence vraiment sa carrière. Mais vraiment, c'est là où, finalement, rien n'est jamais tout à fait plié, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas vu le film, qui ont voilà, qui vont le porter, ça les fait marrer, ça les touche. La crise aussi passe par là. Et alors, phénomène très étrange, très très étrange. Il y a beaucoup, le film est reçu avec beaucoup de condescendance en France, par beaucoup de gens qui me disent, enfin pas frontalement, mais je l'entends dire, les gens trouvent mon film très caricatural, très très outré dans sa vision politique des choses. C'est un petit film de rien du tout, très maladroit, voilà, très maladroit, pas bien pensé dans le discours politique. Et arrive là-dessus, ça c'est très drôle, enfin non, c'est pas drôle du tout, mais arrive là-dessus la crise des subprimes aux États-Unis. On est en 2008. Et en 3 mois, il y a, et c'est ce qui explique, je pense, la sélection à Sundance, parce qu'il s'agit bien de ça dans Monsieur Coq, il s'agit de gens qu'on fout à la poubelle, qu'on remplace, des gens jetables à merci, des chômeurs qu'on va transformer. En plus, il y avait la guerre en Irak, qui n'était pas très loin, qu'on va transformer en soldats. Ça dénonçait tout ça. Et les Américains, qui en avaient marre de Bush, enfin du moins ceux que j'ai rencontrés, vont prendre un peu le film, dans une certaine mesure, hein, les gens du court-métrage d'animation... vont prendre un peu le film comme une critique du système Bush. Et ça, bien évidemment, ça va servir la notoriété du film, quoi, c'est évident. Et quand j'arrive à Richmond, un jour, qui est à côté de Washington, il y a un festival, je rencontre plein d'étudiants américains, et on était donc peu de temps après l'élection d'Obama. Tous, ils étaient bien évidemment pour l'élection, pour Obama et contre Bush. Tous étaient persuadés que M. Coq, là, l'horrible bonhomme que vous avez aperçu avec sa tronche d'obus ou d'œuf, ils étaient persuadés que c'est une caricature de Bush. Et je leur dis, et là, en même temps, je suis très ennuyé parce que je leur dis non, non, non, non, je ne me serais jamais permis. Parce que j'ai ce qu'il faut à la maison. Moi, j'ai aussi mes enfoirés français. Et je parle uniquement, et c'était Jean-Marie Messier et Serge Dassault. C'est vraiment d'eux dont je me suis inspiré pour faire ces personnages-là. Je ne serais pas permis d'aller donner des leçons aux autres. Et même la fameuse photo de Messier avec... L'orteil. Voilà, exactement, voilà, ouais, tout à fait. Donc le film, il a rebondi, il a eu un nouveau départ, et voilà, il a plutôt bien marché, il a eu des prix, et ça m'a ça a effacé le très mauvais départ et l'angoisse qu'a pu conditionner le refus d'Annecy et les remarques très désobligeantes du début, dont j'avais du mal à me libérer, on va dire. Voilà. C'est des fois difficile, hein, d'être dans l'entourage et finalement d'essayer de dire à quelqu'un, mais non, ton film est bien, du moment qu'il y a pas une reconnaissance, justement, à l'extérieur du cercle des gens. Bah oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est à fleur de peau. Oui, c'est à fleur de peau, parce que on met beaucoup de nous dans des films, puis c'est beaucoup de travail, puis c'est aussi une équipe, hein, on n'est pas tout seul, on est... voilà. Allez, l'anecdote pour finir, le film a coûté finalement... Enfin, une chose, si je me rappelle bien, qui a coûté le plus cher, c'est l'utilisation de l'international. Ah oui, alors ça, c'est absolument incroyable. Moi, je tenais à avoir l'international comme musique du diable. Donc le barbu qui est un syndicaliste, je voulais diaboliser ce type, et je voulais que son thème musical, le thème du personnage, soit l'international communiste, socialiste. Et figurez-vous qu'il a fallu que je paye des droits pour l'international, parce qu'on était à une époque où cette musique est censée défendre les intérêts des plus démunis et tout ça, n'était toujours pas dans le domaine public et c'était payant. Puis cher, je crois. Et c'était pas donné. Ouais. C'était pas donné. Enfin, c'est bon à savoir si un jour vous voulez utiliser des musiques que vous croyez, parce que c'est important ça dans un film, que vous croyez libre de droit, renseignez-vous vraiment. Ça fait partie, c'est idiot, mais ça fait partie aussi de choses à anticiper sur le budget du film. Voilà. Et ensuite, bien sûr, Edmond was a donkey. Et ensuite, arrivé Edmond, où là j'ai l'idée, je pense que la tristesse de la fin de Coq n'est pas étrangère à la tristesse ambiante d'Edmond, en fait. Une espèce de, comme ça, de truc un peu... parce que j'ai l'idée d'Edmond justement à cette période-là, donc très vite après la sortie de Coq. Edmond était un âne, c'est là où j'ai l'idée d'écrire... sur un petit personnage, un petit employé. Alors, est-ce que je vais trouver... Alors, ça, c'est pareil. Hein, tout ce que je vous montre, en fait, c'est les dossiers que j'envoie au CNC. Un scénario, tu l'aurais écrit beaucoup de fois ou... Ah oui, Edmond, ouais. Oui, énormément. En fait, Edmond, c'est marrant parce que je l'ai écrit assez rapidement. Il y a dû y avoir 3 ou 4 versions distinctes. Mais je l'ai énormément maturé. Ça veut dire que j'ai eu le scénario très vite, dans presque tout le scénario, mais il fallait que je remette tout en ordre, et je me suis un peu imposé de ne rien écrire pendant un an. Et au bout d'un an, hop, c'était mûr, et clac, je me suis mis à l'écrire de manière assez facile. Et ensuite, j'ai dessiné les personnages. J'avais déjà dessiné le personnage pour vous montrer... Voilà, ces deux-là. Voilà. Ça c'est le premier dessin que j'ai fait d'Edmond. Ces deux dessins qui n'avaient pas de lien avec quelque chose. Ces deux dessins-là. C'est-à-dire que celui-ci a été le premier où je me suis dit, tiens, je viens de dessiner un mec qui a l'air d'être fier de porter un bonnet d'âne. Je trouvais ça intéressant. Ensuite, je suis allé, j'ai accompagné un peu le personnage sur une autre illustration. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de ce personnage qui se prendrait pour un âne, à savoir qu'il se prendrait pour quelque chose que tout le monde trouve ridicule, un animal que tout le monde trouve ridicule. Ça m'intéressait énormément. Et c'est à partir de là que j'ai développé l'histoire, et je suis après revenu, une fois que l'histoire était écrite, voire quand je dis l'histoire, c'est le scénario, hein, avec les dialogues, parce qu'il y a des dialogues dans le film, même si ce sont des voix off, c'est du dialogue, et c'est là où j'ai développé le personnage. Donc là, on est sur un système d'illustration 2D, et très vite, je savais que j'allais faire le film en 3D. Plus le voyage à New York. Oui, qui a été assez déterminant. J'ai eu la chance de découvrir New York avant de faire le film. C'est pour ça que je situe l'action à New York, dans les années 60. Mais je ne suis pas si perceptif que ça. Mais bon, moi j'avais besoin de le savoir en 68 à la mort de Martin Luther King. Voilà, c'est l'histoire que moi j'avais besoin de me raconter pour rendre cohérente d'autres choses. Ces histoires-là n'apparaissent pas dans le film. Si on est un peu curieux, si on remarque qu'il y a un portrait de Martin Luther King chez eux, par exemple. Mais sinon, on va dire que c'est du background, mais pour moi, quoi. Et donc voilà. Ça, c'était les. Oui, il devait y avoir 3 collègues au départ. Il n'y en a plus que 2, pour des raisons là. aussi de simplicité scénaristique, mais aussi pour des raisons de budget. Je préférais resserrer vraiment sur les personnages. Et toujours cette idée avec des personnages très grands, avec ce petit bonhomme qui est un âne dans un monde de cheval, en fait. Ça, c'est issu d'une scène qui a été coupée, qui n'a même pas été tournée. Voilà. On a oublié de dire, c'est intéressant quand même que t'es avant tout réalisateur, et alors peut-être que aussi le fait que tu sois un animateur peut aider, l'inventeur fantôme, tu as coupé une scène complète. Ouais. Du film sans rien dire. Que j'ai refaite. Avec ta vie, parce que tu considérais qu'elle fonctionnait pas dans le film. Ouais, parce qu'il y a aussi ça. Ce que j'ai pas dit sur l'inventaire fantôme, c'est que le montage du film a été assuré par Chantal Brunner. Je me souviens pas de son. Jamais de son. Colibert. Qui est l'épouse de Didier Brunner, mais qui est une grande monteuse de talent. Et qui a vraiment. Moi, j'avais besoin de ça pour mon premier film, c'était de m'entourer de quelqu'un qui soit talentueux, réconfortant, je veux dire, vraiment un appui. Et c'est vrai que c'était un plaisir de travailler ensemble parce que, contrairement à d'autres réalisateurs en animation, Chantal trouvait que j'étais sans complexe quant au fait de. Alors que j'avais, ce qu'on pourrait me dire, ce qu'on m'a déjà dit, oui, mais t'es pas animateur, alors tu t'en fous. Mais non, parce que j'ai monté, composité, hein, j'ai pas fait un montage, et après, donc j'avais autant à perdre que les animateurs dans l'histoire. Mais quand même, je considère que ce qui compte, c'est le film, c'est l'objet, et que si on a fait une animation pénible, ou bien super belle, etc., et que ça ne marche pas dans le film, ce qui passe avant toute chose, c'est le film. On est au service du film, pas de ses animations, pas de ses décors, pas de ses beaux dessins, pas de ses machins. Et donc c'est cette raison-là pour laquelle moi j'hésite pas vraiment à couper. Maintenant je fais mes montages tout seul, mais je n'ai aucun problème pour couper. S'il faut couper, alors bien sûr que c'est désolant, on se dit bon, allez, c'est comme ça, c'est le cinéma. Voilà. Là ça travaille justement, tu fais beaucoup plus sur l'animatique. Edmond, justement, il y a eu pas mal d'animatiques. Il y a toujours un animatique assez poussé sur mes films. Je vais juste vous montrer le début, hein, parce que ça dure 15 minutes, c'est beaucoup trop long, et je vois pas tout à fait l'intérêt de vous montrer en entier. Je vous montre le début de l'animatique d'Edmond. Donc, pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un animatique, c'est un objet de communication entre l'équipe, entre le réalisateur, l'équipe et les partenaires. Ça va jusqu'à la production, aux télévisions. C'est-à-dire que c'est les storyboards filmés. Moi, j'ai tendance à le pousser un petit peu plus pour être le plus précis possible. Donc, c'est-à-dire que je le sonorise, parce que ça me donne aussi une idée du montage final. Ça me donne une idée du rythme intrinsèque du film. Voilà. Une animatique comme dans l'ancien temps, presque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement trop à l'intérieur, hein, c'est vraiment. Ah oui, on dit une animatique, moi ça fait. Depuis le début, je dis un animatique, et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens disaient une, donc je me trompe peut-être. Non, oui, c'est. Donc, écoutez, voilà, c'est impossible, hein, j'avais beaucoup plus de matériaux à vous montrer, mais bon, c'est. On peut peut-être, pendant les questions, montrer quelques petites choses, non, quelques images, ça t'embête? De quoi? De passer des images pendant qu'on passe aux questions. Oui, mais ça, je ne sais pas faire. Je vais te remettre là et je vais le mettre là. Oui, parce que je ne sais pas passer des, faire deux choses en même temps. Je ne peux pas, je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Voilà. Ah bon ? Donc, c'est les femmes qui savent faire plusieurs choses en même temps. Moi, je suis complètement basique, quoi, le modèle de base, pas le modèle évolué. Donc, juste par rapport très rapidement, c'est la rencontre aussi avec, avec Hélène Bessière, Arte et l'ONF. Je vais prendre le micro pour raconter ça un petit peu. Je vais mettre là, vas-y, mets-toi là. Oui, pour revenir brièvement donc à mon dernier film, à la dernière production, c'est à ce moment-là où je rencontre, je connaissais Hélène depuis longtemps, qui est la directrice des programmes courts chez Arte, qui elle a un vrai coup de cœur pour le film et qui va même jusqu'à devenir coproducteur sur Edmond, ce qui est très rare chez Arte, parce qu'ils font je crois 3 ou 4 productions, coproductions par an sur les courts-métrages. Donc, on a fait ça. Hélène, en plus, me présente Julie Roy, qui est productrice à l'ONF, donc l'Office national du film canadien. Et là aussi, bingo, ils veulent être coproducteurs sur l'histoire, donc ils vont s'occuper de tout le son. Donc, vraiment, le montage financier d'Edmond a été d'abord facile. Et jalonnait de très belles rencontres qui se pérennisent encore aujourd'hui, puisque le film que je commence la semaine prochaine est aussi encadré par, est aussi coproduit par Arte et coproduit par l'ONF. Alors, on disait ce matin aussi, tout à l'heure, qu'il fallait savoir dire non. C'est pas évident, toujours chez Hélène Bessière, toi, des dossiers, tu les tiens, c'est pas mal de gens racontent. J'aime pas, il y en a souvent dans la salle. Ce qu'il y avait avec Hélène Bessière, c'est pas toujours facile. C'est que quand on lui donne un dossier, elle a des fois des visions très carrées pour savoir tenir la tête. Oui, mais enfin, avec moi, elle me connaissait un petit peu, elle savait que je suis une tête de pioche. Donc, non, ça s'est très bien passé. À chaque fois, elle m'a fait deux remarques très pertinentes. Et c'est ça aussi, je veux dire, si on est une tête de pioche, c'est pas très intéressant. Mais là, c'était très très pertinent. Donc, quand les gens vous donnent des bons conseils, on les écoute, ou alors on est idiot. Mais ça s'est très bien passé, ça aurait pu très mal se passer. Peut-être qu'on se serait dit, on peut pas bosser ensemble, quoi. Mais bon, heureusement, c'est pas le cas. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. J'ai beaucoup aimé votre travail et j'ai 3 questions. La première, est-ce que vous pouvez réaliser des films pour des adultes ou pour des enfants? La deuxième, c'est vos histoires semblent rentrer dans les milieux sociaux et politiques plus que en entier. Pourquoi? Et la troisième, sur quels critères vous choisissez la forme ou le médium avec lequel vous travaillez vos histoires? Donc, pour répondre à votre première question qui consiste à savoir si je préfère travailler pour un public d'adultes ou d'enfants, c'est clairement les adultes. En revanche, il me semble qu'un film qui est bien fait pour adultes peut tout à fait séduire les enfants, qui y voient peut-être autre chose, qui ne voient pas la même chose que nous. Par exemple, Monsieur Coq, c'est mon film qui marche le mieux avec les enfants, alors qu'il n'est absolument pas destiné aux enfants. C'est un film très provocateur, très politique, très railleur, très moqueur, mais c'est peut-être ça que les enfants aussi perçoivent, et ça les fait beaucoup rire, et pas les adultes. C'est bien mon drame, parce que j'ai l'impression de faire des films drôles, moi, mais bon. La deuxième question consistait aussi sur la thématique des adultes. Vous pouvez me la... Ah oui, c'est plutôt voilà. Social et politique, il y a dans les milieux sociaux-politiques, plutôt les enfants aussi. Oui, c'est sans doute une permanence dans mes... parce que je crois que ça m'intéresse énormément. Je trouve que... en plus, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer de par mes films, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et je crois que les choses que j'ai envie de dire... Au-delà du sensible, des choses plus compliquées, peut-être beaucoup plus poétiques d'ailleurs, un peu plus délicates, mais je sais que j'ai aussi besoin de m'exprimer là-dessus. Et peut-être sur un angle moins frontal, mais j'ai besoin d'en parler. J'éprouve le besoin d'en parler. Voilà. Et la troisième, il ne peut pas être troisième question ? Si. Oui. Alors c'est vraiment le scénario qui va conditionner le médium sur lequel je vais travailler. Pour Edmond, si j'ai choisi la 3D, c'était avant toute chose parce que le rythme de l'animation très lente que je voulais était plus facilement réalisable avec la 3D. Ensuite, moi je sais que j'aime bien changer de technique d'un film à l'autre. Je trouve ça très intéressant. Ça m'évite de m'ennuyer peut-être. Voilà. Donc, mais c'est toujours l'histoire qui va conditionner pour Monsieur Coq. C'est parce que je voulais un truc très cartoon, qui soit animé assez rapidement. Donc voilà. C'est toujours l'histoire qui va conditionner en fait la technique employée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un long moment, hein, mais c'est le moment où vous posez des questions. Pas d'autres questions, Jean-Paul? Merci. Il n'y a pas ce que tu fais, visiblement. Merci. Suivant, pour votre présentation, c'était agréable. Et on a beaucoup apprécié votre expérience. Vous avez déjà parlé sur l'importance du carrière en tant qu'amateur. Juste savoir, est-ce que vous avez appliqué votre expérience, votre doctrine, votre influence, votre background, votre référence dans votre film d'animation? Est-ce que vous avez en neutralité ou votre référence s'appuie sur? Sûr, j'ai. Est-ce que finalement, par rapport à tout ce que tu as dit aujourd'hui, est-ce que tous les critères dont tu parles, tes films d'animation sont toujours présents dans à chaque fois que tu fais un film d'animation, il y a vraiment cette. Oui, d'une manière générale, oui. Mais ça évolue hein, aussi. Ça veut dire qu'il y a des. Mais oui, enfin, ma vision. La vision que j'ai du métier, de la manière de travailler, de travailler avec les autres surtout, de travailler avec les artistes, les producteurs, les télévisions. Oui, j'ai toujours cette vision qui tend même à se renforcer au fur et à mesure d'avancer dans le métier, oui, bien sûr. Par contre, c'est intéressant parce qu'il n'y a vraiment pas de volonté, en tout cas, de jouer sur des choses autobiographiques, ou en tout cas, réelles, même s'il peut y en avoir, bien évidemment, mais en tout cas, c'était jamais montré de manière évidente. Non, il y a forcément des choses très personnelles, mais je ne suis pas du tout dans l'autobiographie ou dans l'autofiction, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est quelque chose qui me. Puis je suis peut-être trop pudique pour ça en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. François, si on vous dit Tim Burton, on sait à quoi? OPA, sur le gothique, forcément. Tim Burton, ça a été un gros problème au début de ma carrière, pour mon premier film, parce que tout le monde me ramenait à ça. Sauf que le problème de Tim Burton, qui est un très grand réalisateur extrêmement talentueux, bien qu'il sache aussi faire de très mauvais films, selon moi, hein, ça c'est un critère purement subjectif qui n'appartient qu'à moi, mais a fait ce qu'on appelle une OPA, ça veut dire il a mis une option comme si le gothique, qui est un genre du 19e siècle à part entière, lui appartenait, qu'il l'avait inventé. Ce qui est absolument faux, je veux dire. Le problème, c'est que dans nos sociétés globalisées, les gens ne voient, pour peu qu'on ne s'intéresse pas trop à la littérature, ou qu'on n'ait pas le temps de le faire, quand ils voient un truc, un bonhomme, un peu longéiforme, ou machin, ah, c'est du Tim Burton. Quand on voit, voyez, un manoir un peu découpé, machin, ah, c'est du Tim Burton. Alors qu'avant toute chose, ça relève, et en plus d'un style qui était connu dans les années 50, qui s'appelait les films de la Hammer, qui était une boîte de distribution et de production de films anglais. Vous avez tous forcément vu un jour un film de la Hammer avec Dracula, avec Frankenstein, avec ça, c'est du gothique. On n'emmerdait pas à cette époque les gens en leur disant vous faites du Tim Burton. Donc, pour moi, il y a un côté qui m'énerve un peu avec ça, voilà. Tout en respectant, une fois de plus, hein, certains des films de Tim Burton que je qualifierais de chef-d'œuvre, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt finir. S'il n'y a pas d'autres questions, tant pis. J'aimerais, est-ce que tu peux nous parler de deux choses, peut-être? Je ne sais pas si tu as des... J'ai cru voir peut-être, mais tu n'as peut-être pas... Du projet un peu interactif. Est-ce que tu peux déjà peut-être pas tu peux peut-être pas en parler interactif avec l'ONF, ou est-ce que pour l'instant tu peux pas en parler? Alors non, je peux pas vous parler de ça parce que c'est un projet que je vais produire et que je suis en train de développer pour iPad et iPhone, un projet interactif. C'est à l'initiative de l'ONF qui a déjà fait des choses comme Blabla et là moi il me propose de faire la même chose, c'est-à-dire un film interactif, quelque chose d'assez personnel. En revanche, je viens de terminer ce que tu peux peut-être montrer, le teaser de Alienare. Voilà, il y a deux teasers que vous verrez bientôt sur Internet. C'est quelque chose avec lequel j'ai fait le scénario avec Chloé Delhomme, qui est une écrivaine française, qui elle est beaucoup dans l'autofiction, beaucoup dans quelqu'un de très très grand talent. On a fait le scénario ensemble, elle s'est occupée de la partie écriture, je me suis occupé de la partie animation et visuelle, et direction artistique. Et c'est une application qui sortira alors soit en avril, soit carrément en septembre, parce que ça n'arrête pas de sortir ce truc-là. C'est déjà terminé depuis un an, et voilà, mais bon, après c'est des raisons. Ça sera aux éditions du Seuil, et ça sera malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que c'est une question aussi de monopole, disponible que sur iTunes. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, je trouvais intéressant de vous montrer, il y a deux teasers, un très court, et un peu plus long pour vous donner une idée de ce que sera cette application que vous pourrez voir sur votre téléphone, sur votre iPad, sur... voilà. Il n'y a pas de son? C'est embêtant parce que c'est... Enfin, il y a énormément de... Comment dire? On a fait un gros travail de son. J'ai oublié de citer une amie qui s'appelle Sophie Couronne, qui a fait toute la conception sonore avec des voix, avec... Donc on a mis un peu de théâtre aussi là-dedans, inutile de vous dire que ça me plaisait bien, ça. Alors normalement il y en a, ça a marché jusqu'à présent, donc c'est pas le fichier. Et ça marche pas, bon bah écoute, c'est pas grave. C'est étrange parce que, hein. Bien joué, bien joué. Hop, je sais pas pourquoi le son est désactivé, attention ça va un peu péter, mais voilà, allez c'est parti. Comme ça vous verrez. Ça c'est du teaser. Hein. Ah dis donc, on a tout compris. C'est l'inverse en fait que tu faisais avant, c'est-à-dire que là c'est beaucoup plus long et là il est plus long. Allez, et là, donc, il est plus long. Un peu plus long. Et voilà. L'idée de nouveaux médiums, ce genre de choses, ça te passionne? Ouais, beaucoup. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est... Je trouve ça intéressant, c'est très compliqué à appréhender. Moi, j'ai pas l'impression d'être en train d'inventer l'eau chaude sur mes projets. Mais bon, ça m'intéresse. Mais c'est très compliqué de trouver des choses vraiment innovantes. Il y a presque un piège dans cette histoire de nouvelles façons de raconter des histoires. Mais j'essaye, ça m'intéresse. Dernière question, c'est le fait de venir en festival. Au départ, je voulais montrer ça, je voulais montrer une image de Dustin Hoffman qui parle avec un journaliste. il est à Berlin et il dit mais c'est horrible, c'est presquite, alors c'est différent, c'est presquite, on est un quart d'heure, on dit la même chose, oh, de temps à autre il y a quelque chose qui jaillit, on va dire, et puis voilà, mais ce genre de rencontre par exemple, ce genre de, est-ce que c'est pas, c'est une obligation parce qu'il faut bien travailler, ou il y a des choses, on répète beaucoup, tu disais tout à l'heure je vais raconter de nouveau cette histoire, ou non, ça, on peut trouver un plaisir. Non, moi j'adore ça, autant j'ai aucune envie de donner des cours en tant que professeur, ça m'intéresse fort, mais autant rencontrer les gens, leur faire part de choses, et puis qu'on pose des questions, échanger des témoignages, etc. Moi j'adore ça, hein. c'est vraiment, c'est très très agréable. Ce qui est plus difficile, c'est lorsqu'on enquille, comme ça m'est arrivé, une quinzaine de conférences dans l'année, où là on a vraiment l'impression de ressasser, quoi, parce qu'il y a une lassitude, tout simplement, c'est un peu trop. Mais là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de conférence, et c'est super agréable d'échanger. Training? Bah bien sûr. On revient au début. Eh bien, ce n'est pas de question, de toute façon, Franck est là, et donc vous pouvez, il est encore là. Merci infiniment à toi. Merci.